s'effondrer ensemble vers l'éco-liberté. Par Jem Bendel. Titre original, Breaking Together, A Freedom Loving Response to Collapse. À propos de l'auteur, Jem Bendel est un spécialiste mondialement connu de l'effondrement des sociétés modernes dues aux changements environnementaux. Professeur titulaire à l'Université de Cumbria, il est sociologue et se spécialise dans l'analyse critique, intégrative et interdisciplinaire de sujets d'intérêt majeur pour la société. Téléchargé plus d'un million de fois, son article sur l'adaptation radicale a inspiré la croissance du mouvement Extinction Rebellion en 2018. Il a été à l'origine de la création du Deep Adaptation Forum, un réseau mondial visant à réduire les dommages face à l'effondrement de la société. Il a obtenu son doctorat à l'Université de Bristol et sa licence de géographie, avec mention, à l'Université de Cambridge. Pendant des décennies, il a travaillé sur le développement durable en tant que chercheur et directeur d'ONG, ainsi qu'en tant que consultant auprès d'entreprises, de partis politiques et d'agences des Nations Unies. Il a vécu et travaillé sur tous les continents, sauf l'Antarctique, et a passé de nombreuses années de sa vie d'adulte dans des pays du monde majoritaire. L'une de ses spécialités depuis 2011 est l'innovation monétaire prosociale. Son exposé TEDx de cette année-là explique la montée en popularité du Bitcoin et de technologies similaires. En 2017, il a co-dirigé l'élaboration du plan de communication du Parti travailliste britannique pour les élections générales et a co-écrit des discours pour ses principaux responsables politiques. Bien qu'il ait été reconnu en 2012 comme un jeune leader mondial par le Forum économique mondial, Jem se montre de plus en plus critique à l'égard de l'agenda mondialiste en matière de développement durable. En dehors de ce travail, il a fondé une ferme pratiquant l'agroforesterie synthropique. Il est aussi auteur, compositeur, interprète et a composé un album au sein du groupe Sambiloto. Plus d'informations sur www.jembendel.com. À propos de cette traduction. Cette version française a été réalisée par les personnes suivantes, mentionnées par ordre alphabétique. Dorian Cavé, Lila Courteau, Valérie Garcia, Daniel Rodari et Vincent Waldemann. Cette équipe de traducteurs-traductrices et de relecteurs-relectrices était dirigée par Dorian Cavé. Certaines d'entre nous ont travaillé à titre bénévole, d'autres ont demandé une rémunération, et d'autres encore ont fait don à la fois de leur temps et du financement nécessaire au lancement de ce projet. Si certaines d'entre nous se connaissaient déjà, nous n'avions jamais travaillé ensemble avant ce projet. Nous avons décidé de faire cause commune, unis par un désir de voir les idées de ce texte atteindre un public francophone. Ce faisant, nous avons beaucoup apprécié notre travail d'équipe, qui s'est déroulé dans un esprit très positif, et nous a permis d'apprendre à nous connaître et à nous apprécier mutuellement, à tel point que nous souhaitons désormais poursuivre cette collaboration sur des sujets connexes. Nous espérons que notre travail est de qualité et que de nombreuses lectrices et nombreux lecteurs nous rendront encore plus fiers d'avoir contribué à la construction de la possibilité d'un autre monde après l'effondrement, dans l'éco-liberté. Traduire ce livre a constitué un défi stimulant pour différentes raisons. Tout d'abord, l'auteur s'appuie sur un ensemble de néologismes afin de mieux décrire son approche novatrice aux questions d'effondrement. Certains autres termes employés dans le champ anglophone n'ont pas encore d'équivalent direct en français. C'est notamment le cas du mot « doomer » à connotation plutôt péjorative que nous avons choisi de traduire par « catastrophiste ». À ne pas confondre avec « doomster », néologisme positif proposé par l'auteur, que nous traduisons par « effondriste ». Lorsque cela nous a semblé nécessaire, l'expression francophone est suivie de son équivalent anglophone entre parenthèses. Nous nous sommes aussi appuyés sur de nombreuses notes de traduction afin de proposer des éléments de contexte supplémentaires. Dans le livre audio, vous retrouverez ces notes de traduction encadrées du son. Enfin, nous avons fait le choix d'utiliser l'écriture inclusive. Même si cela ne nous a pas facilité la tâche, cela nous semblait s'imposer. En effet, l'auteur effectue une critique profonde des systèmes patriarcaux qui sont mis en cause dans les effondrements sociétaux et écologiques dont traite le livre. Mais il attire aussi notre attention sur la nécessité de développer une culture critique nous permettant de prêter attention à la puissante influence idéologique du langage au sein de notre société, par les cadres et les impensés qu'il véhicule, au service des rapports de pouvoir existants. En renonçant au masculin générique, entre autres conventions langagières largement intériorisées par chacun, chacune d'entre nous, nous prenons parti en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous tenons à remercier les personnes et organismes suivants pour leur soutien logistique ou financier qui nous a permis de mener à bien cette traduction. Jem Bendel, Carmen, Denis Chalumeau, Aimé Fenech, Muriel, Peter Murphy, Yann Roderick, Sophie, l'Adaptation Radicale Francophone, le Deep Adaptation Forum, l'Association Entraide et Résilience Nord-Béarn et le Schumacher Institute. Ce livre audio a été enregistré et monté par Valérie Garcia avec des moyens amateurs. Merci pour votre indulgence et bonne écoute. À maman et papa pour leur loyauté et leur force d'âme. Chanson écrite à l'occasion de votre remariage le 4 janvier 2023. Jour de mariage. Les vrais amis passent le cap des bouleversements et des regrets. Les vrais amis nous font tenir la distance. Nul besoin d'oublier. Les nuages vont et viennent, comme la vie croît et s'étiole. Il y a un amour au-delà des espérances qu'on trouve en bienveillante compagnie. Soyons ici et maintenant aujourd'hui, que le passé disparaisse. Car ce moment restera dans nos cœurs quand nous serons loin. Depuis ici, rien à craindre, car tous les mondes disparaîtront dans l'éternité véritable, avec toutes les possibilités. Ô, jour de mariage! Introduction. Reconnaître les effondrements et y répondre. Oh, je m'occupe, répondait Nana quand je lui demandais de ses nouvelles. J'avais l'impression qu'elle passait tout son temps en cuisine. Dès qu'une conversation s'animait un peu, elle finissait par s'en aller en traînant des pieds pour aller éplucher des patates, en nous laissant avec sa réplique favorite. Papy sait de quoi il parle. J'étais un enfant, c'était les années 80. À l'époque, j'avais du mal à la comprendre, mais aujourd'hui, je m'interroge. Peut-être était-elle bien adaptée à sa situation. Il n'y a rien de tel qu'une distraction pour nous occuper les pensées et le corps. Films, infos, sport, musique, célébrités, tâches ménagères, cuisine, école, ou encore quelques drames de voisinage ou de bureau. Même les distractions douloureuses peuvent s'avérer utiles. Par exemple, lire un livre sur la fin de notre civilisation. Ou pire, en écrire un. Signe des temps, les instituts de sondage commencent à étudier si nous pensons que la fin du monde est proche. Ou en tout cas, la fin de nos mondes, au sein d'un monde plus vaste. Ils nous posent des questions telles que « Pensez-vous qu'on va résoudre le problème du changement climatique ?» Ou bien, « Pensez-vous que vos enfants seront mieux lotis que vous financièrement? Si vous pensez comme la majorité des gens dans la plupart des pays où ces sondages ont été effectués, alors, en votre fort intérieur, vous avez déjà répondu « probablement non » à ces deux questions. Je sais que ce ne sont pas des réponses désinvoltes. Pour celles et ceux d'entre nous qui prêtent attention à ce qui se passe, l'inquiétude est justifiée. Tellement d'aspects de la vie sur cette belle planète sont en train de devenir plus difficiles et incertains. Nos factures d'énergie explosent. Il coûte si cher de s'alimenter qu'on finit ses repas avec un arrière-goût de dette. À tout moment, on peut désormais craindre d'attraper une mauvaise infection. Mais les autres aussi sont une menace, pour peu qu'ils et elles aient d'autres opinions en matière de politique sanitaire. Sans parler du risque d'avoir des dirigeants dirigeantes va-t-en-guerre ou tout simplement séniles. Et par-dessus le marché, il y a la crise écologique, y compris le changement climatique. Est-ce une vaste supercherie visant à contrôler nos vies? Bien sûr que non. Il suffit de comparer la météo telle qu'on l'observe ces dernières années avec celle moins capricieuse dont nous ou nos parents nous souvenons. Sur Internet, n'importe qui peut lire les relevés en temps réel des températures moyennes dans le monde ou des niveaux de concentration des gaz atmosphériques comme le méthane et les voir récemment s'accroître à une vitesse sans précédent par rapport aux derniers 10 000 ans. Il n'y a rien de nouveau à ce que les riches ou les puissants-puissantes cherchent à nous contrôler. On ne devrait donc pas s'étonner que certains-certaines veuillent, pour ce faire, tirer parti des problèmes actuels, pandémie ou changement climatique. Mais cela ne veut pas dire qu'on doive douter de la réalité de certains problèmes qui menacent le bien-être et la liberté de tous et toutes. Quand nous évoquons le futur entre amis, nous sommes si nombreux et nombreuses à avouer nos inquiétudes sur les difficultés croissantes de nos vies. Et pourtant, nous continuons de vivre dans le monde tel qu'il est. Travail, facture, vie privée, loisirs, divertissement, actualité. Mais nos routines quotidiennes, dans leur ensemble, sont marquées par la conscience intuitive que nous ne faisons que nous distraire pour ne pas voir ce qui nous attend. C'est en partie parce que nous ne savons pas comment faire pour y changer quoi que ce soit. Je ne vais pas essayer de vous soustraire à ce sentiment de futilité. Beaucoup de celles et ceux qui s'expriment sur la situation actuelle se sentent obligés de rester positives et positifs. Mais peut-être que cela ne fait que contribuer au problème. Au contraire, nous pourrions nous autoriser à accepter, dans toute son étendue et sa complexité, ce qui nous semble futile aujourd'hui. Nous savons que le recyclage des déchets ne réparera pas le courant jet stream, et que cela n'empêchera pas l'apparition des dômes de chaleur qui perturbent notre climat, nos paysages et notre agriculture. Nous savons qu'acheter du chocolat bio, issu du commerce équitable, ne fera pas du capitalisme une façon équitable et écologique d'organiser la société. C'est pourquoi certaines personnes ont décidé d'exprimer leurs convictions et leurs préoccupations par l'action. Mais nous n'avons pas non plus obtenu grand-chose en nous collant à des routes et à des tableaux, ou en nous enchaînant à des barrières. Ce qu'il nous faut, ce ne sont pas de nouvelles législations, mais plutôt une transformation de la civilisation humaine dans son ensemble, sur toute la planète et immédiatement, si l'on veut simplement que les jeunes générations est l'ombre d'une chance de vivre une vie décente. Malheureusement, cette transformation n'est pas en train d'avoir lieu. Certains et certaines commencent à parler de résistance violente, mais nous savons à quel point c'est absurde. Le temps des insurrections armées est bel et bien révolu dans la plupart des sociétés, et les discours violents des activistes font bien souvent obstacle aux efforts de changement politique. Et quand les riches et les puissants-puissantes finissent par prendre au sérieux ces problèmes collectifs, le malaise qu'on peut ressentir et les critiques qu'on peut émettre constituent un autre point de friction. De plus en plus de gens considèrent désormais que les mesures ambitieuses des gouvernements en réponse à la récente pandémie non seulement n'ont pas réussi à diminuer l'impact de la maladie, mais ont aussi eu des répercussions négatives sur la santé physique et mentale de la population, causé des dommages économiques et aggravé les inégalités. Certains, certaines, parmi les plus fortunés, sont toujours prêts et prêtes à profiter de toute action gouvernementale imposée par une crise, comme l'illustrent aujourd'hui les scandales qui ont éclaté dans de nombreux pays à propos de l'attribution des contrats publics pendant la pandémie. On a aussi pu constater des formes similaires d'enrichissement en rapport avec des problèmes environnementaux. Les politiques climatiques qui ont créé les marchés de compensation des émissions de carbone ont généré de nouveaux profits pour les entreprises polluantes qui ont su tirer leur épingle du jeu. Des mesures courageuses de lutte contre le changement climatique se sont aussi révélées contre-productives. Au nom de la protection de l'environnement, le précédent gouvernement sri-lankais a interdit, du jour au lendemain, les engrais artificiels, si bien que ses citoyens, citoyennes, ont soudain eu du mal à nourrir leur famille. Il arrive que des mesures juridiques entraînent des perturbations similaires. Lorsque les tribunaux néerlandais ont ordonné aux agriculteurs et agricultrices de cesser d'utiliser des engrais, de grandes manifestations ont eu lieu pour dénoncer la menace perçue pour les entreprises et l'emploi, et elles furent suivies d'une sévère punition à l'échéance électorale suivante. Et quand de plus en plus de commentateurs, commentatrices sensibles à l'écologie parlent de la nécessité d'appliquer les leçons du Covid, cela confirme les craintes d'une gestion autoritaire de la crise climatique par les gouvernements. Le terme « commentateur-commentatrice » évoque différentes personnes s'exprimant dans l'espace public, y compris journalistes, chroniqueurs-chroniqueuses, experts-expertes, analystes professionnels, mais aussi de simples individus sur Twitter, X. En l'absence d'un terme français équivalent, nous avons choisi de conserver la forme la plus proche de l'original. Par exemple, le philosophe Bruno Latour a suggéré que la crise climatique pourrait nécessiter des restrictions de liberté, à l'instar de celles mises en place pour lutter contre le Covid-19. Même des politiciens-politiciennes haut placés ont déclaré que, je cite, « pour combattre le changement climatique, nous devons appliquer des mesures analogues aux restrictions des libertés individuelles imposées durant la lutte contre la pandémie. » Fin de citation. Il se pourrait qu'un autoritarisme motivé par la panique s'avère aussi destructif socialement que les facteurs de stress que je décris dans ce livre. Trouver nos repères dans un monde à la dérive. Face à ce chaos, il est normal de se sentir frustré et désorienté. Certains, certaines d'entre nous veulent sauver le monde, mais détestent qu'on leur dise quoi faire. Cependant, quelle option politique s'offre à nous? Nous avons déjà fait l'expérience de ce qui ne marche pas en ces temps troublés. Comme des boxeurs, boxeuses, à demi assommés, beaucoup d'entre nous cherchent appui dans les cordes de soutien illusoires. De toute évidence, les politiques de la nostalgie déferlant sur le globe, qui parlent d'un retour à un âge meilleur, n'offrent rien pour soutenir qui que ce soit contre les coups de boutoir assénés par des crises multiples. Nous savons aussi que même si les cabales malfaisantes décrites par les complotistes disparaissaient tout à coup, nos vies ne changeraient pas le moins du monde. De fait, nos problèmes ont des causes bien plus profondes. On aura aussi du mal à croire les exhortations de nos médias de masse, qui nous poussent vers une sorte de centrisme autoritaire, convaincus que la technologie et l'entrepreneuriat sont des remèdes universels. De façon similaire, certains, certaines socialistes, adeptes de la pensée magique, prônent cette même croyance éco-moderne envers une révolution technologique salvatrice et prétendent qu'il suffit au pouvoir public d'effectuer des investissements massifs pour que tout rentre dans l'ordre. L'écomodernisme est une école de pensée environnementaliste selon laquelle les humains pourraient préserver la nature en utilisant des technologies de pointe pour découpler la croissance économique et les impacts anthropiques infligés au monde naturel. Leurs raisonnements, qui semblent aveugles à la réalité, sont tout aussi peu persuasifs. Malheureusement, nous savons aussi qu'ignorer les tendances inquiétantes qui agitent la société et nous concentrer sur nos familles, nos potagers, nos communautés ou nos paroisses n'empêchera pas les coups de nous atteindre, toujours plus lourds et plus fréquents. Même rejeter la culture dominante pour mieux apprécier les cultures autochtones ou les spiritualités alternatives ne nous aidera pas à nous défendre contre la faim insatiable et la domination d'un capitalisme globalisé et de ses officiers qui siègent au gouvernement et ailleurs, celles et ceux qu'on appelle souvent aujourd'hui les mondialistes. Aux réponses limitées que je viens de décrire, on peut, à juste titre, préférer une autre approche. Une approche qui offre une stabilité libre de déni, à partir de laquelle on peut commencer à se rendre utile. Le premier pas vers cette stabilité consiste à prendre conscience de la gravité de la situation actuelle et future, quoi que nous fassions. Nous pouvons alors réfléchir aux aspects du monde que nous souhaitons sauver. Par ailleurs, lorsqu'on répond aux problèmes qui nous concernent, on peut aussi chercher à ne pas répéter les automatismes qui sont à l'origine même de ces problèmes. Pour ce faire, il faut nous attaquer à la cause réelle, plutôt qu'entreprendre des activités parcellaires pour traiter des symptômes, car ces efforts seront balayés par les soubresauts de l'histoire. Cela signifie aussi que nous ne devons pas délaisser ce que nous croyons être juste, simplement parce que nous sommes devenus anxieuses et anxieux, et plus vulnérables à la manipulation. L'objectif n'est pas seulement de sauver une plus grande partie du monde, mais de le ressentir plus pleinement, d'en respecter la beauté, et de faire en sorte qu'il vaille la peine d'y vivre. Il est donc essentiel de garder à l'esprit certaines valeurs universelles, par exemple l'équité pour toutes et tous, quand on considère l'ampleur et l'importance des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Une autre valeur autour de laquelle on s'est rallié de tout temps et en tout lieu est la liberté, personnelle comme collective. Par liberté, j'entends la capacité à penser et à agir comme on le souhaite, sans coercition ni manipulation, et en étant pleinement conscient, consciente de notre situation et des effets possibles de nos choix. Le désir de liberté nous est naturel, car il est aussi naturel dans le monde vivant. Nous détestons qu'on nous donne des instructions, surtout lorsqu'on perçoit qu'elles présentent peu ou pas d'avantages évidents pour nous-mêmes ou la collectivité. Sans une relative liberté de choix, nulle forme de vie ne serait en mesure d'apprendre. Ainsi, sans cette liberté de choix relative, toute évolution serait impossible, comme je l'aborde plus en détail au chapitre 11. Cela signifie qu'on peut se méfier des personnes qui préfèrent décrire l'état de nature comme une affaire d'instinct de compétition, de coopération ou de hiérarchie, au lieu de quelque chose impliquant, du moins en partie, un libre arbitre relatif. Dans ce livre, je montrerai comment les systèmes qui oppriment notre liberté de pensée et d'action ont conduit notre civilisation au bord du précipice. Et je plaiderai donc en faveur d'une action politique basée sur un engagement renouvelé et recontextualisé en faveur de la liberté. Je souhaite prodiguer un soutien à mes lectrices, lecteurs, pour affronter dans toute son ampleur l'impasse désastreuse dans laquelle on se trouve désormais sur la planète Terre, y compris les émotions difficiles qu'elle peut engendrer. Et pour que chacun, chacune puise dans sa propre sagesse afin de trouver des moyens d'y faire face. Voilà pourquoi je résume l'ensemble de l'argumentaire du livre dans cette longue introduction, afin qu'on puisse y revenir plus tard, au moment d'en discuter autour de soi. Je suis passionnément attachée à ce qu'on puisse sauver ce qui peut l'être du monde, sans que personne ne nous ordonne quoi faire. C'est ce qui m'a poussée à écrire ce livre. Depuis mon adolescence, je suis engagée dans la lutte pour l'environnement, sous diverses formes. Au fil des ans, j'ai tenté de contribuer à des changements de société en faisant campagne avec des organisations caritatives, en effectuant des recherches en lien avec ces thèmes, en enseignant auprès d'étudiants, étudiantes et de cadres d'entreprise, en conseillant des organisations, en siégeant au conseil d'administration d'une société d'investissement et même en travaillant pour les Nations Unies. Ces activités ont attiré l'attention du Forum économique mondial, ce club des élites planétaires, qui m'a décerné le titre de jeune leader mondial, Young Global Leader, en 2012. Si seulement le Forum était vraiment le centre de commande d'où l'on tire les ficelles du monde, comme son président Klaus Schwab et les médias alternatifs aiment à le prétendre. Si c'était le cas, toutes les réunions et les soirées auxquelles j'ai participé à Davos il y a quelques années auraient peut-être servi à quelque chose. Dans ce livre, je ne m'attarderai pas sur les succès, entre guillemets, dérisoires, récoltés lors de ces activités au sommet. Cependant, mon analyse et mes recommandations sont issues de ma prise de conscience qu'il n'existe pas de leadership éclairé qui puisse coordonner une réponse positive à ces temps difficiles. J'ai maintenant 50 ans. Pour devenir professeur titulaire, j'ai passé beaucoup de temps à écrire des articles et des livres scientifiques destinés à la publication. Dans le monde universitaire, l'expression « publier ou périr » signifie que l'on attend de nous que nous publions nos articles dans des revues académiques correspondant à nos domaines d'expertise. Bien que j'ai débuté dans un champ interdisciplinaire, le développement international, et que ma spécialité ait été la sociologie, je suis devenue professeure dans le domaine des études de gestion. Je me suis intéressée plus récemment au leadership et à la gestion du changement. Depuis mon premier poste au sein du groupe environnemental WWF en 1995, ma passion a longtemps été le développement durable, entre guillemets, et les méthodes qui mobilisent le pouvoir des entreprises et de la finance pour créer des changements décisifs. Comme bien des gens travaillant sur des questions d'environnement, je savais que la destruction de la biosphère par l'humanité était un problème systémique. Mais je pensais que nous avions amplement le temps de réformer et finalement de transformer nos systèmes socio-économiques. La plupart d'entre nous considéraient le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, comme la référence ultime sur le changement climatique. Cet organisme nous donnait à comprendre que si l'on ne hâtait pas les changements nécessaires, la situation pourrait devenir grave à l'horizon 2100. Cela me semblait être une date infiniment lointaine. Néanmoins, vers 2014, j'ai commencé à m'inquiéter. Les inondations et les feux de forêt sans précédent, la fonte du pergélisol et le recul de la glace de mer qu'on observait constituaient le genre de changement futur dont j'avais entendu parler pendant ma licence à l'Université de Cambridge dans les années 1990. Cependant, on m'avait enseigné qu'il ne se produirait que vers le milieu de ce siècle si rien n'était fait. Mes inquiétudes me poussèrent à prendre une année sabbatique non rémunérée auprès de mon université afin d'examiner à la source les données scientifiques brutes sous-jacentes. J'ai alors découvert que les conclusions du GIEC avait systématiquement exclu une partie des données et des calculs les plus alarmants. Voir le chapitre 5. Au terme de ces mois d'analyse des études climatologiques les plus récentes, j'ai conclu qu'il était trop tard pour empêcher à la fois des changements catastrophiques pour les sociétés humaines et l'effondrement inévitable du mode de vie industriel de consommation. J'ai alors rédigé mes conclusions à l'attention de mes collègues dans le champ de la durabilité des entreprises pour leur expliquer que nos travaux étaient basés sur des hypothèses erronées et pour présenter une philosophie et un cadre d'analyse permettant de se confronter à cette réalité. L'adaptation radicale, Deep Adaptation. Quand mon article fut rejeté par une revue scientifique, principalement du fait de ses conclusions offrant peu d'options pratiques et réalisables, j'étais en état de choc. Sous le coup de l'émotion, je décidai de publier l'article par l'intermédiaire de mon université. C'était une sorte de cri de détresse. « Quel gâchis !» me disais-je, en repensant à ma carrière et à ma vie tout entière. Au diable le monde universitaire, il était temps de publier et de périr. Un mois plus tard, j'avais reçu plus de 300 courriels de personnes inconnues qui venaient du monde entier. Me connectant au serveur, j'ai découvert que le fichier PDF de l'article avait été téléchargé 5000 fois. De vieux amis me dirent qu'ils avaient été profondément touchés par l'article et qu'ils rejoignaient un nouveau groupe activiste portant le nom impressionnant d'Extinction Rebellion. Je lus aussi des tweets de gens qui avaient démissionné de leur travail après avoir lu l'article et qui rejoignaient aussi ce mouvement. Plus tard, on me demanda de prononcer un discours à l'occasion du lancement de la Rébellion internationale à Oxford Circus, Londres, sur le bateau rose de la vérité. Mon article et son impact sur cette nouvelle vague d'activisme climatique firent l'objet d'articles publiés dans le Financial Times, le Times, Vice Magazine, Radio 4 et autres médias. Un an plus tard, mon serveur indiquait que l'article avait été téléchargé plus d'un million de fois. Plus qu'un article, l'adaptation radicale était devenue un véritable phénomène. Des gens commencèrent à me demander quoi faire au regard de l'effondrement sociétal que j'anticipais. Mais je décidai que, puisque cette perspective remettait en cause le moindre aspect de nos vies, il serait insensé pour moi de prodiguer le moindre conseil. Pire encore, je me suis rendu compte que cette tragédie était due à la culture et au système qui m'avait façonné. Qu'un vieil homme blanc occidental explique aux gens comment faire face aux problèmes issus de systèmes conçus par d'autres types dans son genre ne me disait rien qui vaille. C'est pourquoi j'ai préféré créer une organisation reliant les personnes touchées et motivées par le concept de l'adaptation radicale. Bien que non rémunérée, ce travail était profondément gratifiant et m'a aidé à faire face à mes perspectives tout en apprenant à vivre chaque instant du mieux possible. Dès le départ, mon intention était de quitter cette nouvelle organisation une fois qu'elle serait financée, afin que les personnes participantes puissent créer quelque chose ensemble. Sur un plan philosophique, je ne voulais toujours pas qu'un seul homme soit aux commandes. Avoir une vision sombre de l'avenir ne me paraissait pas être une raison appropriée pour influencer les décisions d'autrui. De même, je rejetais les contrats de publication de livres et autres propositions de documentaires télévisés. Mes conclusions sur l'état du monde me laissaient à vif, et j'avais envie d'aider les gens qui étaient touchés de la même manière, qu'on lise ou non mon analyse. C'est aussi pour une raison personnelle que j'ai quitté le Deep Adaptation Forum. En 2018, quand je parvins à la conclusion que les sociétés modernes, et donc mon propre mode de vie, s'effondreraient dans les années à venir, je sentis mon identité se transformer, ainsi que le sens que je donnais à ma vie. Il me vint alors un désir ardent de pratiques spirituelles, d'immersion dans la nature, de musique, d'agriculture biologique, et, par conséquent, le désir de laisser derrière moi le monde des débats intellectuels et du plaidoyer. Ce qui m'a fait y réfléchir à deux fois, c'est lorsque l'anticipation des effondrements a commencé à être diabolisée dans les médias de masse et par des coalitions d'écologistes. En réaction, La plupart des gens qui anticipaient ces effondrements ont fait profil bas face à ces détracteurs-détractrices et se sont contentés de cultiver les réseaux les reliant à leurs compagnons-compagnonnes de route. Je comprenais leur réaction. Après tout, j'étais moi-même sur le point de tout plaquer pour une vie moins stressante. Cependant, j'ai commencé à me demander quelles pourraient être les conséquences de ces tentatives coordonnées de diaboliser toute personne anticipant l'effondrement sociétal. Peut-être qu'un plus grand nombre d'entre nous investiraient leur énergie dans des stratégies futiles, comme je l'avais fait pendant des années. Peut-être que d'autres seraient privés du temps nécessaire à l'intégration, émotionnelle comme intellectuelle, de tout ce qu'implique un futur très différent du passé. Et peut-être enfin qu'en l'absence de toute validation de leur détresse vis-à-vis du futur, et du fait de la suppression de discussions sur les risques possibles, l'anxiété diffuse des gens les rendrait vulnérables à des formes de manipulation de la part des élites, comme on le verra au chapitre 13. Auparavant, j'avais pensé que le passage du temps suffirait à nous instruire sur ces questions. Mais en constatant l'agressivité, les tactiques et la coordination caractérisant certaines de ces critiques, j'ai compris qu'elles ne cesseraient pas, même lorsque les faits leur donneraient tort. Je me suis interrogée sur la pertinence d'abandonner mon rôle d'éducateur et de défenseur de la cause, comme je comptais le faire. C'était un labeur souvent fatigant et émotionnellement perturbant, avant même les attaques qui sont survenues ensuite, portant sur mon travail de chercheur, ma personnalité et mon influence. Je ne croyais plus à mes anciennes histoires d'action et d'impact. Ces illusions avaient pris fin quand j'avais réalisé que, bientôt, s'écroulerait tout l'édifice du savoir et de la culture dont je faisais partie. Je me souviens avoir convenu avec des amis que la pire façon de passer mes dernières années de confort matériel et de modernité serait de continuer à débattre des preuves de l'effondrement de la société. J'ai échangé avec des psychologues sur le phénomène du doomer bashing. Cette expression se réfère à des attaques répétées, voire un harcèlement, à l'encontre des doomers, que nous traduisons par le terme catastrophiste. En anglais, le mot doomer est généralement employé de manière péjorative pour faire référence aux personnes anticipant l'effondrement sociétal, et il sera explicité et discuté au fil de l'ouvrage. Il ne faut pas le confondre avec doomster, terme apparaissant un peu plus loin dans cette introduction, que nous traduisons par le terme effondriste, et qui est mélioratif. Voir le chapitre 12. Ils et elles m'avertirent. Parce que le sujet de l'effondrement déclenche une profonde peur de la mort et de l'insignifiance, je ne pourrais changer l'avis de personne par le dialogue public. C'était un combat perdu d'avance. Mon intention d'entamer une nouvelle vie a commencé à me sembler prématurée. Les sondages d'opinion montraient que le grand public, dans de nombreux pays, s'attendait à un futur difficile et même à un effondrement sociétal. Et pourtant, ce thème était gardé férocement tabou. Je redoutais que cette suppression émotionnelle et ce mensonge systématique deviennent le terreau d'attitudes irrationnelles et haineuses, qui se propageraient dans la société sans qu'on puisse les freiner et encore moins les arrêter. Ces attitudes pourraient même accélérer l'effondrement sociétal. Pour moi, il était inacceptable de ne pas faire face à ce blocage culturel que je constatais. Si moi-même je ne développais pas davantage l'assise intellectuelle d'une vie guidée par l'adaptation radicale, qui le ferait? À l'époque, il ne semblait y avoir qu'une poignée de chercheurs-chercheuses ayant les compétences interdisciplinaires et l'engagement nécessaire pour travailler sur ce sujet. Mes proches relations avec des activistes climatiques ont alors eu une importance déterminante dans ma vie. Depuis environ un an, je discutais du vaste domaine de la science, des politiques et de l'activisme climatique avec l'une des cofondatrices d'Extinction Rebellion, Claire Farrell. Notre méthode de communication favorite était l'envoi de messages audio sur WhatsApp. Un week-end, comme j'étais à la plage, j'ai reçu un nouveau message d'elle. J'ai décidé de l'écouter en me promenant le long de la côte. Les écouteurs aux oreilles, je suis passée devant l'endroit où, 2 ans plus tôt, mon jeune ami Oscar avait contemplé la mer avec sa maman et pleuré sur son avenir. Dans mes écouteurs, Claire m'a dit « Il est temps que tu prennes les devants. » J'ai continué ma route et en observant les vagues déferlant sur le rivage, j'ai ressenti une joie étrange mais profonde. J'ai compris que je devais reprendre mes recherches sur le sujet le plus ennuyeux et le moins inspirant qui soit, celui de l'effondrement des sociétés modernes. Si j'avais raison, il y aurait peu d'avantages, seulement des années perdues, entre guillemets, devant mon ordinateur portable à faire de la recherche. Ma vue déclinerait, tout comme ma santé physique, mon ventre grossirait, et avec lui, mon exaspération. Mais il fallait le faire, et voici le résultat. Bien qu'en 2018 j'avais décrit le changement climatique comme la raison de l'effondrement des sociétés de consommation industrielle, ma conclusion ne se basait pas purement sur la science du climat. Elle s'appuyait sur les décennies de recherche et autres activités professionnelles que j'avais effectuées aux échelles nationales et internationales dans de nombreux secteurs, dans les milieux d'affaires, la finance, l'administration, la politique et l'activisme. Cette expérience m'avait appris à quel point nos modèles de comportement sont profondément ancrés en nous et à quel point le pouvoir est fermement implanté chez celles et ceux qui y ont accès. En particulier, je savais que nos systèmes économiques et monétaires sont axés sur la croissance. Par conséquent, mon analyse devrait inclure tout un éventail de facteurs qui gardent en place les sociétés modernes. Cela représentait une entreprise gigantesque, nécessitant l'aide d'une équipe. J'écris ces lignes 3 ans plus tard. Je ne me rendais pas compte dans quel pétrin mes collègues et moi allions nous fourrer. Nous avons formé une équipe interdisciplinaire composée d'un écologiste, d'un agronome, d'un économiste hétérodoxe, d'une psychologue, d'un éthicien, d'un physicien, d'un théologien, et d'une journaliste spécialisée dans l'environnement. Je mis en œuvre une méthode de recherche, l'analyse critique de recherche interdisciplinaire, que je présenterai au chapitre 7. Cette approche me permet d'embrasser le pouvoir de la science sans pour autant me trouver aussi entravée par les influences culturelles, économiques et institutionnelles que les chercheurs-chercheuses travaillant dans des domaines spécialisés ou pour des institutions établies. Les chercheurs-chercheuses eux-mêmes reconnaissent largement la présence de ces contraintes. Par exemple, un groupe de scientifiques de haut niveau ont conclu que du fait de ces obstacles, la possibilité d'un effondrement systémique global était dangereusement minimisée. Depuis 2018, certaines personnes trouvant utile la philosophie et le cadre de réflexion de l'adaptation radicale m'ont encouragée, et c'est bien légitime, à m'exprimer plus clairement sur ce que j'entends par la notion d'effondrement sociétal. En effet, il existe de nombreuses définitions dans les ouvrages spécialisés. Je passerai en revue ces définitions avant de proposer la mienne dans le chapitre suivant. Certains enthousiastes voudraient aussi que j'édulcore ma conclusion sur l'aspect inévitable de cet effondrement. Selon ces personnes, le message devrait être plus modéré, attrayant et finançable. Si je n'ai pas voulu que mon analyse soit influencée par de telles considérations, je m'attendais à ce que mes recherches pour ce livre me conduisent à un résumé des preuves que les sociétés modernes pourraient s'effondrer. Mais en progressant dans ma recherche, les données me donnèrent à comprendre que la situation était encore bien pire que dans mon évaluation passée, et ce, dès avant 2018. J'avais eu tort de conclure que l'effondrement sociétal était inévitable. En effet, il avait déjà commencé au moment où j'en arrivais à cette conclusion. Effondrement, de quoi parle-t-on ? Étant donné qu'il s'agit d'un sujet lourd et complexe, je me dois de fournir quelques éclaircissements. Tout d'abord, je parle de la plupart des sociétés partout dans le monde. Si vous avez acheté presque tous les objets de votre vie quotidienne, vous vivez dans ce qu'on peut décrire comme une société de consommation industrielle. Ces sociétés sont basées sur la production de masse de biens de consommation par des procédés industriels à l'intérieur d'un pays donné ou à l'étranger. Comme on le verra plus en détail au chapitre 1, la majorité de la population mondiale vit aujourd'hui dans une société de consommation industrielle ou dépend en partie des produits et services qu'elle fournit. Un aspect fondamental de telles sociétés est qu'elles ont besoin que la consommation de masse continue de croître pour rester stable, tout comme une bicyclette a besoin d'élan pour rester droite. Dans la première moitié de ce livre, je fournirai des preuves que nous constatons déjà le début d'une disparition, à un rythme inégal, des moyens fournissant de quoi manger, s'abriter, être en sécurité, se divertir et construire son identité et sa raison d'être au sein des sociétés de consommation industrielle. Parce que ce processus semble irréversible, l'expression la plus évidente pour le décrire est bel et bien celle d'effondrement sociétal. Ce terme peut évoquer quelque chose de très soudain et spectaculaire. Cependant, l'histoire ancienne et plus récente indique que l'effondrement d'une société est en général un processus progressif et non pas un événement. Dans les chapitres qui suivent, je fournirai les éléments qui me permettent de conclure que l'effondrement des fondations de la quasi-totalité des sociétés industrielles de consommation a débuté avant 2016. Bien qu'il y ait eu des exemples terribles d'effondrements sociétaux dans des régions qui sont déjà dévastées par les conditions climatiques ou des conflits, le commencement de cet effondrement plus global n'a pas encore été signalé. Dans le prochain chapitre, je présente une analyse des données de ces dernières années montrant un déclin des indicateurs de vie cruciaux sur tous les continents peuplés depuis 2016. Ces indicateurs couvrent les aspects fondamentaux de l'espérance de vie, de la santé, des revenus, de l'éducation et autres facteurs de base. Le fait que ce phénomène se produise partout indique la présence de causes communes et donc mondiales. C'est la première fois depuis que ces statistiques existent que les indicateurs régressent dans la plupart des pays économiquement avancés. Par ailleurs, je présente aussi un résumé des données montrant notre échec à atteindre les fameux objectifs de développement durable des Nations Unies. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nos performances sur la plupart d'entre eux reculent. Je fournis une explication de ces données et montre comment les contradictions internes et les limites externes du capitalisme ont commencé à perturber le système économique depuis 2015. Toujours sur les questions économiques, au chapitre 2, j'explique comment les principales banques centrales dans le monde ont pris la pandémie comme prétexte pour aider les plus grands investisseurs et les entreprises multinationales basées dans leur pays à acquérir des actifs internationaux d'une façon qui a rendu inévitable une inflation continue. Je soupçonne que cette action est le signe de leur préparation à l'écroulement probable des systèmes monétaires existants qui pourraient être provoqués à n'importe quel moment par les élites financières. Au chapitre 3, nous passons à l'examen des fondations biophysiques des sociétés industrielles de consommation. Nous verrons comment l'énergie est ce qui rend possible, en pratique, les sociétés modernes dans leurs moindres aspects, avant d'évaluer notre capacité à nous sevrer des carburants fossiles. Malheureusement, Des analyses indépendantes montrent qu'il ne sera pas possible de maintenir les sociétés modernes dans un système énergétique décarboné. Une réduction rapide de l'activité économique sera requise. De toute façon, cette réduction est nécessaire quand on considère les impacts négatifs des sociétés de consommation industrielle sur la biodiversité et la santé. Chapitre 4. Des signes clairs mettent en évidence comment des problèmes de disponibilité énergétique, sans compter d'éventuels conflits, affectent d'ores et déjà les niveaux de vie. Les carburants fossiles jouent un rôle majeur dans l'agriculture à grande échelle et les formes actuelles d'agriculture ont des impacts sévères sur la biodiversité, la santé, chapitre 4, et le réchauffement climatique, chapitre 5. Au chapitre 4, nous nous penchons sur la question plus large des demandes en ressources naturelles de la part de l'humanité tout entière. Je présente des données indiquant que les écosystèmes qui fournissent des services essentiels de base à toutes les sociétés humaines sont en train de se désintégrer. En m'appuyant sur la théorie de la capacité de charge de la Terre pour toute forme de vie, j'explique comment les êtres humains modernes ont déjà collectivement dépassé la capacité de la planète à assurer notre subsistance. Me référant à des travaux dans les champs de l'écologie et des effondrements sociétaux passés, j'explique comment la déforestation est un facteur à la fois de nouvelles maladies pour les humains et d'effondrements sociétaux historiques, probablement du fait des nouvelles infections qu'elle a engendrées. Je constate que la raison présentée par certains et certaines scientifiques pour justifier leurs expériences extrêmement dangereuses sur des pathogènes était qu'il fallait se prémunir contre une ère de pandémie. Il apparaît aussi que le Covid-19 et les réponses contre-productives qu'il a suscitées pourraient hâter l'effondrement de certaines sociétés. Au chapitre 5, je m'intéresse à ce qui semble être les données les plus importantes à connaître sur notre climat en mutation. Les effets combinés des pertes de couverture forestière et des gaz à effet de serre déjà dans l'atmosphère causeront un réchauffement supplémentaire. Cela occasionnera des modifications des saisons et des conditions météorologiques erratiques qui impacteront les écosystèmes, l'agriculture et les habitats humains. Le taux d'élévation du niveau de la mer s'accélère, ce qui signifie que les changements en cours dans le système climatique global ne sont pas linéaires. Par conséquent, notre environnement va continuer d'être déstabilisé à un rythme sans précédent. Quoi qu'en disent les experts et expertes travaillant pour les institutions dominantes, ces changements ne peuvent pas être inversés. Ils pourraient même être impossibles à freiner, au vu des dommages déjà causés. Sans même parler du rôle supplémentaire de l'activité future des taches solaires et des vastes courants océaniques, qui sont bien sûr hors de portée de toute intervention humaine. Ces changements climatiques s'ajoutent aux tensions qui pèsent sur les autres fondations vacillantes de nos sociétés. Au chapitre 6, j'examine la robustesse de nos systèmes alimentaires mondiaux et locaux face à une volatilité croissante des conditions météorologiques, à l'instabilité saisonnière, aux changements dans les populations d'insectes, à la surexploitation, aux pertes de terres arables, à la baisse des nappes phréatiques et à l'acidification océanique, entre autres facteurs. J'en conclus que nous dépendons, d'une manière effrayante, de la production de masse de quelques céréales clés et que certaines des principales régions productrices sont sous la menace de phénomènes climatiques extrêmes, dus à des irrégularités croissantes dans le courant jet de l'hémisphère nord. Les inévitables perturbations qui affecteront l'approvisionnement alimentaire pourraient être atténuées en mettant en place des politiques publiques appropriées, complétées par des initiatives locales et par une coopération internationale. Cependant, ce n'est pas à l'ordre du jour, malgré des avertissements émis depuis 2018. Cela indique que les formes dominantes de communication et de gouvernance de nos sociétés sont incapables de prévenir ne serait-ce que les plus prévisibles des catastrophes. Au chapitre 7, je résume comment les changements analysés dans les chapitres précédents se combinent pour montrer un écroulement continu et inévitable des sociétés modernes. J'explique aussi comment des chercheurs et chercheuses ont abandonné leurs principes scientifiques usuels pour s'opposer à ces conclusions et se faire les chantres d'une idéologie moderniste sans même se rendre compte de leurs propres postulats. Dans ce chapitre, par-delà les aspects biophysiques des sociétés modernes, j'examine aussi les signes indiquant que les bases socioculturelles et politiques de ces sociétés se désintègrent depuis plusieurs années. Par exemple, les sondages d'opinion montrent que dans la plupart des pays du monde, il y a eu un déclin considérable du soutien aux institutions gouvernementales. J'ai précédemment décrit ces tendances comme une désolidarisation de ce qui tient ensemble les différentes parties de nos sociétés modernes. Consciemment ou pas, les gens remarquent les craquelures à la surface et les fractures dans les fondations des sociétés dans lesquelles ils vivent. Dans mon article sur l'adaptation radicale, j'ai expliqué que je m'attendais à voir des signes d'effondrement sociétal presque partout d'ici 2028. Certaines critiques m'ont rétorqué, avec raison, que ce n'était que mon opinion personnelle et non un fait vérifiable. Mais dans ce livre, je présente des preuves crédibles que cet effondrement avait déjà commencé avant 2016. Je me rends compte aujourd'hui de mon erreur. Je supposais, comme tant d'autres, que tout effondrement serait un événement unique et spectaculaire. Même si l'effondrement causait déjà des distorsions dans les structures soutenant les sociétés modernes, cela ne créait pas d'effet instantanément perturbateur pour bien des gens profitant de modes de vie privilégiés. C'est comme si nous nous trouvions sur un grand navire qui aurait percuté un iceberg, mais qui continuait sa marche avant toute et dont les passagers passagères, comme l'équipage, évitaient de mentionner les bruits bizarres ou l'inclinaison du pont pour ne pas s'alarmer les uns les unes les autres. Pour la plupart d'entre nous, le navire n'est que partiellement hors service. Par exemple, comme j'écris ces lignes, nous avons encore presque tous et toutes des comptes bancaires avec de l'argent dessus et des cartes bancaires qui fonctionnent, la plupart du temps, et qui nous permettent d'acheter ce dont nous avons besoin, la plupart du temps. Si nous ne demandons pas ce qui se passe sous la ligne de flottaison, nous pouvons continuer à ignorer la situation un peu plus longtemps. Dans mon cas, une fois arrivé à la conclusion que nous vivions d'ores et déjà l'effondrement des sociétés modernes, j'ai pu porter un regard nouveau sur ce qui se passait autour de moi. Accéder au fait que je vis dans une période d'effondrement m'a soudain fourni un cadre conceptuel depuis lequel examiner utilement les événements en cours, qu'il s'agisse d'économie, de politique, de culture ou de psychologie. Cela m'a aidé à comprendre pourquoi certains et certaines embrassaient une politique de la nostalgie, d'autres des théories complotistes, et pourquoi d'autres encore suivaient servilement les gouvernements et la majorité, ce que nous examinerons plus en détail au chapitre 13. J'ai aussi saisi pourquoi les médias diabolisaient la libre pensée, et pourquoi les dirigeants-dirigeantes de banques centrales soutenaient les entreprises privées dans leur ruée néocoloniale vers le pouvoir mondial. Chapitre 2. Le contexte de ma recherche était la pandémie de Covid-19 et les réactions autoritaires qui ont surgi de la part des États comme des médias. Je ne parle pas seulement de coercition ou de menace, mais de l'instrumentalisation d'arguments scientifiques peu convaincants, voire tout à fait faux, pour justifier le dénigrement de toute personne ayant des opinions dissidentes. Pendant cette période, j'ai aussi pu constater que les personnes émettant les critiques anticatastrophistes les plus virulentes étaient aussi les plus véhémentes dans la promotion de mesures corporatistes et autoritaires en réponse au virus. Je me suis aperçu que le facteur commun reliant entre elles ces attitudes était une allégeance au récit hégémonique d'aujourd'hui, selon lequel nos sociétés continuent de progresser et les êtres humains contrôlent la situation. Ces prises de conscience m'ont poussé à finir d'écrire ce livre afin que mes lectrices et lecteurs puissent, elles et eux aussi, observer le monde sous l'angle de l'effondrement en cours. Pourquoi cette perspective n'est-elle pas plus répandue? Vous vous demandez peut-être si je suis quelqu'un de crédible, ou bien pourquoi quelqu'un n'a pas déjà publié un livre expliquant que les sociétés modernes ont commencé à s'effondrer. Vous auriez bien raison de vous interroger. Ou peut-être vous demandez-vous, plus généralement, pourquoi de telles idées ne sont pas débattues dans les médias. Ou encore, très différemment, vous pourriez aussi vous demander si ma vision accablante de la situation n'est pas une nouvelle tentative de répandre la peur, afin de mieux contrôler les populations. Commençons par la dernière de ces idées. Les menaces qui pèsent sur la société, et que je décris dans ce livre, n'ont pas été créées de toutes pièces par les élites. Au contraire, la plupart des gens qui ont de l'argent et du pouvoir, et celles et ceux qui travaillent pour eux, cherchent à détourner notre attention pour que nous ne réalisions pas la gravité de la situation. Ces personnes nous disent que ce sont la technologie, le capital, l'entrepreneuriat, les milliardaires, les investissements publics et les leaders charismatiques qui résoudront nos problèmes. Quant à nous, nous n'avons qu'à gentiment leur obéir et croiser les doigts. Ils et elles ne veulent pas que nous perdions « l'espoir » entre guillemets, que nos sociétés modernes puissent répondre efficacement aux problèmes insolubles auxquels nous sommes confrontés. En effet, cela signifierait rejeter les systèmes et institutions qui soutiennent leur pouvoir et leurs privilèges. Nous pourrions nous rebeller. Si vous lisez dans son intégralité l'analyse présentée dans ce livre, vous verrez qu'elle démolit tout argument en faveur de la soumission aux ordres des puissants puissantes. Les chercheurs, chercheuses que le grand public a pu entendre parler de scénarios catastrophes dans les médias de masse comme les médias sociaux, sont celles et ceux que les milliardaires de la tech ont financés pour étudier les problèmes potentiels liés aux astéroïdes ou à l'intelligence artificielle. Pendant des années, ils et elles se sont concentrés sur les risques d'extinction, tout en minimisant les risques sociétaux issus de la dégradation des fondations biophysiques décrites dans ce livre. En effet, cette perspective n'apporte pas vraiment d'eau à leur moulin d'une utopie technologique. J'admets que l'intelligence artificielle a des aspects inquiétants qui nécessitent une nouvelle réglementation. Néanmoins, ceci n'est pas un livre sur l'ensemble des menaces futures et théoriques pesant sur notre civilisation ou sur notre espèce. Au contraire, il parle de la destruction qui a déjà eu lieu aujourd'hui et qui va se poursuivre jusqu'à mener à un effondrement total, sans qu'on puisse la contrôler ou faire machine arrière. Néanmoins, nous pouvons espérer ralentir ce processus et être en mesure de réparer les dégâts. Au chapitre 7, j'explique certains des facteurs liés au domaine de la recherche scientifique qui ont empêché le grand public de participer à des discussions honnêtes sur cette situation insoluble. Mais même si nous recevions les mauvaises nouvelles sans le moindre filtre de la part des chercheurs, chercheuses et des experts, expertes, nous n'y prêterions sans doute pas suffisamment attention, car nous vivons dans une culture qui a été façonnée par les intérêts d'élites fortunées, passées et présentes. Dans les chapitres 2 et 10, j'explore les tenants et aboutissants de cet état de fait. En résumé, les systèmes monétaires fonctionnent de façon expansionniste, ce qui affecte les médias de masse, la publicité, les médias sociaux, les domaines d'expertise, les technologies, les marchés et la politique, qui ensemble façonnent notre vie quotidienne. Cela mène à la reproduction de postulats profondément enracinés et des valeurs qui y sont associées, par exemple l'individualisme, le matérialisme et le progrès. Ces dernières forment alors le code source des habitudes, des lois et des budgets qui motivent des attitudes et comportements néfastes au plan individuel et organisationnel. Comme je l'explique au chapitre 10, les systèmes dominants de communication et d'organisation des sociétés modernes ont été érigés sur la base des pires aspects de la nature humaine et continuent de les reproduire. C'est la raison principale pour laquelle les humains des sociétés modernes, collectivement, n'ont pas intégré avec suffisamment de profondeur plus de 50 ans d'informations sur la destruction causée par nos modes de vie. C'est aussi pourquoi nous n'avons pas examiné l'histoire des siècles précédents pour tenter de devenir plus sages et d'y voir plus clair. Ce que nous ferons au chapitre 9. Dans ce livre, j'explique les analyses développées par des stratèges militaires sur cette situation et les idées terriblement contre-productives qu'ils et elles élaborent pour neutraliser ces menaces. Chapitre 13. Cela signifie qu'il est urgent de générer davantage de débats publics sur ce thème. Hélas, à mesure que de plus en plus de régions du monde pénètrent dans une ère de bouleversement et d'anxiété, un nouveau facteur est apparu qui favorise encore plus le déni de la réalité. Les psychologues l'appellent la science de mortalité, qui mène au phénomène de défense de vision du monde. Pour le dire simplement, cela signifie que lorsque nous devenons plus conscientes de notre mort potentielle ou probable, nous pouvons devenir plus profondément attachés à nos récits culturels sur nous-mêmes, la société et le monde, et que cet attachement peut devenir extrême et dénué de toute logique. Malheureusement, cette tendance signifie que certaines réponses à des perturbations de la part des autorités peuvent s'avérer illogiques et contre-productives, comme on l'a vu ces dernières années. Ce phénomène de défense de vision du monde peut nous tomber dessus sans crier gare, à cause de ce que les psychologues appellent le déni implicatif. L'expression désigne le fait d'admettre une information, mais de ne pas modifier son comportement pour autant. Je crois que cela explique pourquoi les experts préfèrent évoquer des menaces sociétales qui n'entraînent qu'une inquiétude un peu générique, qu'il s'agisse de méga-menaces, de crises systémiques, de permacrises ou de métacrises. Ou bien ils et elles disent que les sociétés déclinent, se désagrègent ou entament une transition, mais pas qu'elle s'effondre. Ou encore, ils et elles affirment que l'effondrement des sociétés de consommation industrielle est probable, mais encore évitable, chapitres 7 et 13. Plutôt que de considérer ces points de vue comme des descriptions de la réalité, on peut les voir davantage comme des efforts déployés par ces experts pour négocier la mort de leur vision du monde dans l'espoir de garder en vie une partie de leur identité. C'est ce que montrent les données présentées dans ce livre. Au contraire, quand on décide de pleinement faire face à la situation et de laisser notre ancien sentiment de soi se désintégrer sous le poids de ce que nous observons, alors quelque chose de nouveau peut émerger. Se laisser submerger par les émotions. À quel point la situation va-t-elle s'aggraver et quand ? Beaucoup de gens m'ont posé cette question au cours des dernières années. Il est impossible de le prédire, mais cela dépendra beaucoup de l'endroit où vous vivez. Si Coca-Cola s'est emparé de votre nappe phréatique, ou si votre société est corrompue par les absurdités publiées dans les médias, alors l'effondrement de l'économie mondiale pourrait soulager la pression qui pèse sur vous et vous offrir quelques années de vie plus agréables. Mais si vous êtes une agricultrice, un agriculteur menacé de disparition économique en raison de sécheresses aggravées par le réchauffement climatique, cet effondrement sera une horrible tragédie. Si ces sécheresses ont fait basculer votre société dans la guerre, ce sera encore pire. En comparaison, certains symptômes d'effondrement dans les parties les plus riches du monde peuvent sembler moins graves. Par exemple, votre paisible ville européenne pourrait maintenant avoir élu un gouvernement d'extrême droite arrivé au pouvoir parce que vos voisins-voisines ont été encouragés à désigner comme bouc émissaire les réfugiés arrivant des régions en conflit. Ou alors, votre ami, hippie de toujours, a soudainement décidé que le changement climatique était un canular, bien qu'elle ait vécu les conditions météorologiques les plus bizarres de sa vie. Quoi qu'il en soit, vos factures de gaz et d'électricité montent en flèche et ne semblent pas près de baisser, en raison des crises convergentes que je décris dans ce livre. L'avenir semble donc très incertain, même si les systèmes de base continuent de fonctionner. Se projeter au-delà d'un an ou deux peut parfois sembler trop effrayant pour qu'on s'y aventure. C'est aussi la raison pour laquelle tant de personnes, dont je fais partie, choisissent aujourd'hui de ne pas avoir d'enfants. Le fait d'avoir tant travaillé sur ce sujet au cours des dernières années m'a parfois empêché d'en ressentir pleinement la douleur. En me replongeant dans les notes que j'ai prises lorsque j'ai commencé à prendre conscience de la situation, je me suis souvenu du choc et de la confusion que j'avais alors éprouvée. Une question me préoccupait. À qui pouvais-je parler de ma nouvelle prise de conscience? Par exemple, devais-je confier à mes parents, septuagénaires, tout ce que je pensais savoir? Lorsque mon travail a commencé à être mieux connu sur ce sujet, et que Extinction Rebellion a fait apparaître des préoccupations similaires sur nos écrans de télévision en avril 2019, nous avons commencé à avoir des conversations sur l'ampleur que pourrait prendre la situation. Je leur ai rédigé une lettre que je retranscris ci-dessous. Je cite « Je ne cesse de dire aux gens de ne pas me croire sur parole. Je ne le ferai pas moi-même. Mais je ne m'attends pas à ce que vous lisiez tous les tenants et aboutissants de la science du climat et de la recherche sur les risques d'effondrement. Pour vous aider à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un point de vue marginal, je pourrais vous parler des dirigeants, dirigeantes de sociétés de conseil internationales, des anciens, anciennes responsables d'agences des Nations Unies ou des hauts, hautes fonctionnaires de l'UE, parmi des centaines d'autres personnes qui m'ont contacté en privé et qui sont d'accord avec mes conclusions. Mais au lieu de cela, nous pouvons simplement nous rappeler l'étrangeté des glaces en Cornée et des bains de soleil au Royaume-Uni au cours du mois de février qui vient de s'écouler. La météo a déjà changé et continuera à évoluer jusqu'à déstabiliser la nature sauvage et l'agriculture. Il y aura des pleurs, il y aura de la consternation, du désespoir et de la colère. Cela étant, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas en danger imminent. Il n'y a pas lieu de paniquer. Nous avons encore quelques années devant nous. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons nous en sortir. Je pense que nous ne nous en sortirons pas. Je veux dire par là que nous connaîtrons probablement des prix exorbitants, des pénuries de produits de première nécessité, des politiques réactionnaires et autoritaires, des périodes de troubles civils et des guerres internationales qui résulteront de ces tensions. Bien que la colère et le blâme soient naturels, ils peuvent être des moyens d'éviter de se réconcilier avec sa propre vie, ses regrets, ses blessures, ses limites et sa propre mort. C'est une chose que nous pouvons tous et toutes faire dès maintenant, plutôt que d'attendre d'être sur notre lit de mort. Nous pouvons également commencer à nous préparer et à essayer de rendre les choses moins difficiles. La première chose que vous pourriez envisager est de vous préparer à vivre dans une situation où la nourriture n'est pas disponible et où vous finirez par avoir besoin de rations du gouvernement ou de vendre certaines choses pour acheter de la nourriture. Dans ce contexte, il est utile de produire davantage d'aliments soi-même. Mais ce n'est pas facile à une échelle significative, surtout quand on vieillit. Je pense que la vie en communauté est donc utile, car elle permet de partager les coûts du chauffage, de l'éclairage et de la nourriture, et de travailler ensemble pour générer une meilleure production alimentaire. Mais je sais que l'idée d'un changement majeur de mode de vie qu'un tel déménagement impliquerait semble être un choix peu attrayant s'il s'agit uniquement de se protéger contre une crise future dont la date d'arrivée est inconnue. La deuxième chose à considérer est que ce type de préparation, entre guillemets, a peu de chances de fonctionner, surtout si la situation est suffisamment grave pour affecter tout le monde. Il est risqué d'ignorer des voisins-voisines affamés et nous n'en aurions pas la possibilité de toute façon. Nous devons donc trouver, de toute urgence, des moyens de vivre calmement tout en étant conscients-conscientes des perturbations, des effondrements partiels et de l'effondrement final qui se profile à l'horizon. L'une des plus grandes craintes qui nous guettent est celle d'une mort douloureuse ou effrayante. Je me demande si cela signifie que nous devrions tous et toutes chercher à obtenir des médicaments qui soulagent la douleur, comme la morphine. Cependant, je ne sais pas combien de temps ils font effet et quelles sont les lois en vigueur. J'espère surtout qu'on n'en arrivera pas là de sitôt. La troisième chose est probablement la plus importante. Il s'agit de trouver d'autres personnes avec qui en parler. Je suis en train de mettre en place un réseau pour mettre en relation des personnes qui sont conscientes de ce problème et qui veulent explorer ensemble ce que cela signifie pour leur vie. Certaines d'entre elles s'engagent dans l'activisme pour tenter de faire adopter de nouvelles mesures politiques, à la fois pour ralentir ces perturbations et pour s'y préparer. Si nous ne parlons pas avec les autres, je pense que nous serons noyés dans le déni par des médias qui nous exhortent à être positifs et positives, à espérer, à continuer à faire nos courses et à nous conformer aux règles. Papa, la dernière fois que nous avons discuté de ce sujet, tu m'as dit que je devais donner de l'espoir aux gens. J'y ai réfléchi, et je pense que l'espoir est un moyen d'échapper à la réalité. Pour la plupart des gens, il suffit de souhaiter que les choses se passent autrement. Je découvre que je n'ai pas besoin d'espoir. Au lieu d'espérer, je sais ce qui est important dans la vie, quoi qu'il arrive. Pour moi, il s'agit principalement de la vérité, de l'amour et du courage. Je pense que l'espoir peut parfois être un mensonge pour retarder le moment où la réalité nous changera. Au lieu de cela, je sais que beaucoup d'entre nous feront de bonnes actions au milieu de tout ce tumulte. Fin de citation. Je n'ai jamais envoyé cette lettre à mes parents. En y repensant, je me souviens que je ne voulais pas leur suggérer des idées de choses à faire qui ne leur étaient pas facilement accessibles. Cela aurait pu les mettre mal à l'aise et ils auraient ensuite chassé tout cela de leur conscience. C'est pour les mêmes raisons que j'ai refusé d'apparaître à la télévision lors de la rébellion internationale en 2019. Je ne voulais pas mentir sur ma vision de la situation, mais je ne voulais pas non plus que les personnes qui vivaient seules apprennent soudainement, en regardant la télévision, qu'elles étaient vulnérables, sans pouvoir en parler, trouver du soutien ou explorer les options s'offrant à elles. Plutôt que d'envoyer cette lettre, je me souviens avoir décidé d'être plus en contact avec toute ma famille en créant notre premier groupe WhatsApp, adoptant ironiquement la technologie parce que j'avais le sentiment que ces outils allaient disparaître. Nous voici en 2023 et les choses ont drastiquement changé. Maintenant que nous venons tous et toutes de subir des perturbations massives, La vulnérabilité des sociétés est désormais dans tous les esprits. En outre, comme j'ai été témoin de la façon dont les gouvernements, les commentateurs, commentatrices et les complotistes ont menti aux gens pour manipuler leurs émotions, leurs opinions et leurs comportements, j'ai ressenti cet appel à partager mon analyse de façon plus complète avec celles et ceux qui sont disposés à me lire. Il y a beaucoup de choses que l'on ne peut voir qu'avec des yeux qui ont pleuré, a déclaré Oscar Romero, le défunt évêque de San Salvador. Ce que nous nous permettons de voir à travers nos yeux, lorsque nous pleurons, est essentiel pour découvrir une nouvelle manière positive de contribuer à la société. La désintégration de nos anciens récits sur la société et l'avenir peut s'accompagner d'une remise en cause douloureuse, mais positive, de nos anciens récits sur nous-mêmes. Dans le chapitre 12, nous verrons comment, avec le soutien des gens qui nous entourent, de la nature et de l'ineffable, nous pouvons nous reconstruire pour faire face à une nouvelle réalité. En ce sens, le désespoir n'est pas un luxe. C'est plutôt un laxatif pour nous purger de nos errements. Il existe un point d'inflexion, au-delà du désespoir, où nous pouvons trouver un nouveau départ. Mais en essayant d'éviter le désespoir, trop souvent, on s'empêche de l'atteindre. Lorsque certains et certaines de celles et ceux qui parlent en public des risques existentiels nous disent qu'il n'est pas trop tard, nous devrions toujours leur demander il n'est pas trop tard pour quoi et pour qui? Ce n'est pas parce qu'il est trop tard pour maintenir les sociétés modernes en l'état qu'il est trop tard pour influencer l'avenir. Ce n'est pas parce qu'il est peut-être trop tard pour influencer significativement cet avenir qu'il est trop tard pour apprendre à se comporter de manière moins destructrice ou délirante. En fait, c'est précisément parce que nous ressentons notre mortalité de manière plus immédiate que nous pourrions éprouver plus de gratitude pour l'expérience d'être en vie, ce qui nous permettrait à l'avenir de vivre de manière plus apaisée et plus sage. Il n'est pas obligatoire de nier cette connaissance, de réprimer ses émotions et de s'accrocher plus fermement à notre vision du monde. Nous pouvons laisser le désespoir nous éloigner de cela. Nous pouvons découvrir un désir et une capacité renouvelée pour un engagement vivant dans le présent, y compris par la créativité et le jeu, précisément en raison de l'effondrement de nos anciens récits sur nous-mêmes, la société et le monde. Si c'est ce que vous ressentez parfois, vous n'êtes pas seul. Car des recherches ont montré que c'est l'une des principales façons dont les gens réagissent aux dernières nouvelles et analyses sur la situation catastrophique de l'humanité. En effet, ce sentiment s'est avéré être le carburant d'une nouvelle vague d'activisme environnemental au cours des dernières années et de ce que je décris au chapitre 12 comme le phénomène nouveau des effondristes, doomsters, qui s'engagent de manière créative. Du repentir à la radicalisation. Si vous êtes jeune, je vous remercie de lire cet ouvrage, et je suis sincèrement désolée pour le rôle que j'ai joué dans une stratégie mal avisée au cours des dernières décennies. Bien que ce ne soit pas particulièrement la faute des professionnels de l'environnement comme moi, si la situation s'est tellement détériorée, nous avons trop longtemps prétendu que nous faisions des progrès. Pendant 30 ans, nous avons préféré les vœux pieux à la dure réalité. J'ai consacré des années de ma vie à la cause de la durabilité des entreprises en travaillant de longues heures et en négligeant ma vie personnelle. Mais c'était une illusion dont une partie de moi était toujours consciente. Aussi improbable que cela puisse paraître, il fallait rien de moins qu'une révolution pour que les sociétés modernes aient une chance de changer suffisamment pour empêcher la catastrophe environnementale. Si je me suis fourvoyée, c'est en partie parce que je n'ai pas pris le temps d'évaluer par moi-même les données scientifiques sur le changement climatique. J'ai supposé que les expertes faisaient leur travail et que tout était sous contrôle grâce au processus des Nations Unies. Quand j'ai été tellement effrayée par ce que je voyais survenir dans le climat à l'échelle mondiale et que j'ai pris le temps d'approfondir mes connaissances, il était déjà bien trop tard pour éviter une catastrophe. Chapitre 5. Nous avons échoué, et c'est une situation injuste dans laquelle les jeunes générations se retrouvent à présent et doivent apprendre à y vivre. Je sais que certaines jeunes personnes ressentent de la colère à l'égard de gens comme moi, qui semblent accepter un destin avec lequel ils et elles doivent vivre. Mais je ne suis pas dans cette acceptation. Si vous êtes jeune, vous devrez vivre avec l'avenir qui viendra vraiment et non avec celui que des personnes plus âgées, surtout parmi les classes moyennes supérieures et éduquées, préfèrent imaginer en rejetant les conclusions réalistes comme de simples pensées trop négatives. Je préfère être aussi directe que possible avec celles et ceux que je rencontre, y compris parmi les jeunes, au sujet des choix difficiles qui doivent être faits aujourd'hui. Par exemple, mon analyse montre qu'il est peu probable que la décarbonation de toutes les sociétés de consommation industrielle soit possible. Chapitre 3. Et même si c'était le cas, qu'elle permettrait d'éviter les catastrophes du changement climatique. Chapitre 5. Pour les jeunes cadres et membres des professions intellectuelles supérieures, il est important de comprendre que de nombreuses personnes qui mènent une vie plus écologique qu'elles et eux, notamment parmi les communautés autochtones, subiront les attaques des entreprises à la recherche de matières premières pour tenter, en vain, de garder en état de marche les sociétés modernes dans lesquelles la plupart d'entre nous vivent. Quant aux jeunes activistes d'aujourd'hui, attirés par la reconnaissance sociale et le sens de l'action, tout comme moi à leur âge, ils et elles finissent, sans le savoir, par promouvoir des programmes d'action qui défendent le pouvoir en place. Chapitre 13. Mais on peut trouver ailleurs l'espoir et la vision. En effet, on peut même rencontrer la joie et le développement personnel lorsqu'on s'engage dans un processus de retrait intentionnel de nombreux aspects de la vie de consommateur, consommatrice. Et cela ne sera ressenti comme une défaite que si l'on accepte les objectifs douteux des générations plus âgées. Cela peut sembler déplacé, mais l'effondrement est aussi une chance. On ne peut en douter quand on réalise que la myriade d'approches visant à lutter contre les problèmes environnementaux au cours des dernières décennies n'ont pas du tout atteint leurs objectifs et qu'il y a une raison majeure à cet échec. Les personnes qui cherchent à changer la société ont essayé la politique, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Elles ont essayé d'améliorer et de partager l'état des connaissances sur nos problèmes. Elles ont essayé de sensibiliser la société. Elles ont essayé d'exploiter le pouvoir de la technologie, du monde des affaires et de la finance. Elles ont essayé de vivre différemment. Mais rien de tout cela n'a fonctionné à grande échelle. Les systèmes de la société moderne ont été si imperméables à ces tactiques pendant des décennies que s'ils ne s'effondraient pas aujourd'hui, il n'y aurait aucune chance de changement réel. Pour bien comprendre cette opportunité, il faut comprendre les causes du problème et les raisons pour lesquelles les choses n'ont pas changé. C'est pourquoi j'accorde une attention particulière à ces causes profondes dans la seconde moitié de ce livre. Les sociétés de consommation industrielle répondent aux besoins et aux désirs des gens grâce à des systèmes de production et de commerce de masse. Ces systèmes nécessitent des apports d'énergie massifs par rapport aux capacités corporelles de l'être humain qui doivent provenir de quelque part. Chapitre 3. Les technologies alimentées par toute cette énergie permettent l'extraction de ressources naturelles, renouvelables ou non, à des échelles autrement hors de notre portée. En soi, Une telle situation comporte des risques de dépassement de la capacité de l'environnement à soutenir l'humanité. Chapitre 4. Cependant, la principale caractéristique de ces sociétés est qu'elles ont été conçues pour croître à l'infini. Cela est dû à la manière dont les systèmes monétaires ont été construits. Contrairement aux idées reçues, plus de 95% de l'argent des économies modernes est initialement émis sous forme de dette par les banques privées lorsqu'elles s'accordent des prêts ou achètent des obligations. L'argent sur votre compte bancaire ne correspond à rien de physique et représente simplement la valeur numérique actuelle d'une promesse de votre banque à votre égard qui peut être transférée à d'autres banques participant au même système. La manière dont l'argent est émis sous forme de dette et s'accumule ensuite sous le contrôle d'une minorité d'acteurs économiques crée un impératif de croissance monétaire dans l'économie. En d'autres termes, à moins que les banques n'émettent de plus en plus de nouveaux prêts pour de nouvelles activités économiques, la masse monétaire se réduit au fil du temps, à mesure que les prêts existants sont remboursés. Par conséquent, plutôt que d'atteindre une taille stable, toute économie doit continuer à croître, ce que j'explique plus en détail dans les chapitres 1 et 2. Cette logique expansionniste signifie que nous sommes tous et toutes incités, en tant qu'employés, entrepreneurs-entrepreneuses, investisseurs-investisseuses et électeurs-électrices, à chercher constamment non seulement à développer l'activité économique, mais aussi à trouver de nouvelles façons de transformer la vie en marchandises qui peuvent être achetées et vendues. La publicitaire qui cherche à nous rendre jaloux, jalouses des gens qui possèdent un certain produit. Le collecteur de fonds caritatifs qui cherche à faire passer un grand sponsor pour une entreprise éthique. La journaliste qui évite toute analyse sérieuse dans sa quête effrénée de l'attention des masses. Le scientifique qui fait des recherches sur la santé en offrant des possibilités de profit aux entreprises. Le parent qui nous dit que nous avons besoin d'accéder à la propriété. Et la politicienne qui nous répète que nous avons besoin de la croissance de l'économie pour financer les services publics, tous et toutes expriment des pensées et des comportements qui sont les effets en aval d'une société fondée en amont sur l'endettement expansionniste. L'argent, au service de ce que j'appelle le pouvoir de l'argent, Money Power, et que j'explore en profondeur au chapitre 10. Ce que j'entends par pouvoir de l'argent est un métasystème composé de personnes, d'organisations, de ressources, de normes et de règles qui sous-tendent les systèmes monétaires au service exclusif des riches. Il s'est avéré persistant tout au long de l'histoire. Bien que je viens de décrire les systèmes monétaires modernes, les anciens systèmes monétaires comportaient souvent aussi des logiques expansionnistes, car nombre de celles et ceux qui les contrôlaient voulaient accumuler plus de pouvoir et de ressources. Après avoir étudié l'histoire de ces systèmes pendant plusieurs années, j'ai conclu que des individus intéressés utilisaient les dernières innovations technologiques pour exploiter les autres à travers l'évolution de ces systèmes monétaires. En général, ils et elles ont réussi à le faire, en raison de l'incompréhension du public à l'égard de ces systèmes et de la capacité des détenteurs du pouvoir monétaire à mobiliser l'usage de la force en leur nom. Cette situation perdure encore aujourd'hui. L'institution sociale de l'argent est un mécanisme pour une forme d'organisation sociale qui s'étend à tous les domaines et à tous les niveaux. Cela signifie que le pouvoir de l'argent façonne les sociétés d'une manière bien plus profonde que ne pourrait décrire le terme « gouvernance ». Le rôle particulier de l'argent signifie qu'il n'est pas complètement synonyme de capitalisme. Je parle ici d'un véritable empire des puissances de l'argent. Du fait de sa domination, qui s'exerce au-delà du pouvoir de tout gouvernement, l'utilisation du terme « empire » est tout à fait appropriée. Il ne s'agit pas d'un empire des États-Unis ou de l'Occident, ou de tout autre État-nation, mais d'un empire des institutions du capital mondial et de celles et ceux que ces dernières financent. Les États-nations servent d'administrateurs et d'exécutants à cet empire mondial. Comme les normes et les valeurs que celui-ci propage dans son propre intérêt envahissent tous les aspects de la vie des personnes concernées, leur influence peut être décrite comme une forme de colonialisme ou d'impérialisme. Ce faisant, le pouvoir de l'argent se nourrit naturellement d'un ensemble de normes et de valeurs qui sont décrites en sociologie par les grands termes de patriarcat et de modernité. J'ai constaté qu'il est très important de reconnaître quelles sont ces normes et ces valeurs qui nous brident. C'est pourquoi, même si j'expliquerai plus en détail ces concepts interdépendants au chapitre 10, je vais prendre un moment pour les mentionner ici, avant de terminer avec des suggestions sur les causes de l'effondrement en cours, les responsabilités afférentes et la manière dont cela offre de nouvelles possibilités d'action sociale. Le patriarcat décrit une culture et un ordre social dans lesquels les caractéristiques considérées comme masculines sont perçues comme plus normales et d'un statut plus élevé que celles qui ne le sont pas, ce qui renforce le pouvoir relatif des personnes ayant des caractéristiques masculines. Les hommes et les femmes participent à la famille et à la société selon des façons qui maintiennent un ordre social patriarcal. Cela peut être incroyablement subtil, comme le fait que les femmes tiennent plus souvent les bébés garçons vers l'extérieur pour faire face à un groupe que les bébés filles, ou que leurs ours en peluche sont supposés être des mâles, à moins que de grands cils n'aient été dessinés autour des yeux de l'ours. Certaines historiennes et certains historiens affirment que c'est le développement de l'agriculture qui a donné naissance au patriarcat, car la terre a commencé à être contrôlée d'une nouvelle manière, et les hiérarchies sociales se sont développées au cours de ce processus. Il existe une relation complexe entre le patriarcat et la manière dont le pouvoir de l'argent progresse et enrichit celles et ceux qui le détiennent. Par exemple, les domaines d'activité qui ne sont pas facilement transformés en transactions commerciales, comme les activités essentielles du foyer, typiquement ou anciennement assumées par les femmes, n'ont pas été récompensées par le pouvoir de l'argent. En sociologie, le patriarcat est considéré comme une condition préalable à l'avènement de la modernité. Ce terme décrit une série de normes, d'attitudes et de pratiques qui se sont répandues à la suite des développements intellectuels et scientifiques de la période des Lumières au XVIIIe siècle. La relation de la modernité avec le patriarcat comprend des phénomènes tels que la priorité donnée à ce qui peut être mesuré plutôt que ressenti, ce que la culture considère comme une approche plus masculine. Bien que des sociologues aient affirmé que la période suivant les années 1950 est devenue de plus en plus postmoderne, les présupposés sous-jacents de la modernité ont maintenu leur domination dans la structuration des sociétés et se sont répandus massivement dans le monde jusqu'à très récemment. Si l'on considère la façon dont la modernité s'est étendue à travers la mondialisation des relations capitalistes, on peut reconnaître les qualités expansionnistes, colonisatrices de l'esprit et concentratrices de richesses de cet ordre social. C'est pourquoi dans cet ouvrage, je parlerai de modernité impériale, c'est-à-dire de l'ensemble des systèmes politiques, économiques et culturels qui façonnent notre vie quotidienne pour favoriser l'accumulation du pouvoir par les élites. Il s'agit de l'appareil idéologique d'un empire mondial du pouvoir qui s'est imposé au cours des 30 dernières années. Même si le développement de cette idéologie, voire de ce paradigme, et de sa dynamique d'extraction a été initiée par l'Occident, la modernité impériale s'est mondialisée pendant de nombreuses décennies et on en trouve aujourd'hui certaines des versions les plus extrêmes dans certaines métropoles du Sud. L'une des principales façons dont la modernité impériale exerce son influence sur nos esprits consiste à façonner nos perceptions de la nature. Considérer le monde plus qu'humain, qu'il s'agisse de formes de vie, de paysages ou d'océans, comme des phénomènes moins vivants que les humains, est une condition préalable à certaines attitudes et à certains comportements. On peut parler de désacralisation de la nature, un processus qui nous engourdit émotionnellement face à la douleur de la nature ou à sa perte. En nous considérant comme supérieurs, nous pouvons nous sentir justifiés dans notre domination et notre exploitation de la nature. C'est une forme hiérarchique d'anthropocentrisme qu'il vaudrait mieux appeler anthroposuprématie. Se libérer de l'échec des fables. Lorsque nous acceptons que les sociétés modernes sont en train de s'effondrer, cela peut nous conduire à une vision critique des systèmes et des idéologies dominants qui ont produit ce gâchis, en ont détourné notre attention et ont canalisé nos réponses pendant des décennies vers toutes sortes de mesures inefficaces. Cette compréhension nous libère du respect envers la société telle qu'elle est. Par conséquent, la modernité impériale qui est en nous et que nous perpétuons peut commencer à être perçue et l'on peut envisager d'y échapper. J'ai remarqué, chez moi-même comme chez d'autres personnes, que l'effondrement de nos visions du monde, de nos identités et même des récits par lesquels nous donnons du sens à notre existence, déclenche un désir et une capacité renouvelée pour un engagement plus vital dans le présent, y compris par la créativité et le jeu. Une partie de l'opportunité qu'offre l'effondrement est la possibilité d'abandonner les anciens récits sur soi, la société et le monde pour voir ce qui peut émerger. Ce que j'explore, exemple à l'appui, au chapitre 12. Ce processus d'effondrement personnel, de libération et de reconstitution est également important pour l'avenir, car il réduit la probabilité que nous perpétuions les valeurs et les systèmes à l'origine du problème. Cependant, certains et certaines veulent éviter tout effondrement personnel et choisissent donc de présenter notre situation inextricable sous la forme d'une crise, comme nous l'avons décrit plus haut. Certaines de ces personnes reconnaissent la déstabilisation culturelle en cours et la qualifient de crise de sens. Ce que ces discussions négligent parfois, c'est que si la crise de sens se produit précisément maintenant et de manière si prononcée, c'est parce que les gens perçoivent l'effondrement de la source de sens la plus répandue et la plus incontestée, à savoir la notion de progrès perpétuel. Chapitres 7 et 8. La baisse du niveau de vie depuis 2016 est l'un des éléments de leur expérience, chapitre 1, avant même les effets de l'anxiété liés aux défis environnementaux, sanitaires et politiques, chapitre 7. Il n'est pas si facile de lâcher prise. La défense de la vision du monde que j'ai décrite précédemment se manifeste chez certaines personnes lorsqu'elles envisagent la possibilité d'un effondrement de la société. Cela signifie qu'elle s'accroche davantage aux diverses sous-idéologies de la modernité impériale, comme le progrès, le contrôle, le pouvoir technologique et une notion étroite de la connaissance scientifique. Comme pour toute défense d'une vision du monde, cet attachement peut conduire à des opinions et des comportements illogiques, même dans le cadre de la vision du monde que l'on défend. Par exemple, des scientifiques de haut niveau dans le domaine de la climatologie, ont abandonné le concept scientifique normal de falsification pour imaginer des scénarios magiques où la technologie nous sauve et où le progrès est maintenu, comme nous le verrons dans les chapitres 5, 6, 7 et 13. Plus généralement, ces dernières années, nous avons vu des gens respecter aveuglément les consignes des autorités et des entreprises, ignorant ainsi la diversité des opinions scientifiques, pour ensuite se comporter de manière tribale à l'égard de choix personnels en matière de santé, tout en affirmant qu'ils et elles suivaient la science. J'appelle surmodernité, overmodernity, cette forme fanatique et illogique de modernité. Comme toute pensée fanatique issue de la défense d'une vision du monde, elle peut conduire à des idées et comportements violents. Chapitre 13. Il existe d'autres façons de devenir misanthrope, c'est-à-dire d'éprouver de l'aversion pour l'humanité en général. Cela peut se produire lorsque les gens sont témoins de l'ampleur de la destruction de la planète Terre par l'être humain moderne. Quand on ne distingue pas la particularité des systèmes qui nous ont manipulés pour développer des comportements destructeurs et basés sur l'exploitation, on peut alors supposer que la nature humaine en soi est à blâmer. Cette misanthropie reflète un manque de conscience de la profondeur et de l'étendue des cultures humaines qui ont survécu dans une relation suffisamment autonome avec la nature avant les sociétés modernes. C'est pourquoi je me suis appuyé sur des travaux récents d'archéologie et d'anthropologie pour aborder dans ce livre la question de la nature fondamentale des êtres humains et des sociétés. Ces recherches soutiennent l'idée que l'effondrement des populations humaines n'est pas quelque chose d'inévitable en raison d'une sorte de « défaut de conception » entre guillemets, de l'Homo sapiens. Ce qui veut dire que parler d'effondrement ne revient pas à émettre un jugement sur la nature humaine en tant que telle. Au chapitre 9, je citerai les preuves significatives que de nombreuses sociétés humaines ont vécues dans une relation soutenable et équilibrée avec la nature, augmentant même la biodiversité du fait de leur présence, et que certaines de ces sociétés existent encore aujourd'hui, au moins sous une certaine forme. Deuxièmement, j'évoquerai les cas historiques de sociétés qui avaient oublié la nécessité de vivre en équilibre avec la nature et qui ont réappris à entretenir une meilleure relation avec elle après un effondrement sociétal. Ignorer cette histoire conduit certains et certaines à comparer les humains à des bactéries dans une boîte de pétri ou à des algues dans un étang, subissant une explosion démographique rapide jusqu'à ce que les ressources soient épuisées et que les déchets deviennent toxiques. Cette vision néglige les cultures autochtones qui se sont maintenues pendant des dizaines de milliers d'années, même en ayant accès à des combustibles fossiles qu'elles n'utilisaient qu'avec modération. Par ailleurs, seules certaines espèces sans prédateurs naturels ont tendance à s'accroître puis à décroître brutalement. D'autres autorégulent la taille de leur population. Ainsi, choisir de penser que l'omnicide n'est dû qu'à l'action de la nature ou à l'action de la nature humaine est une forme de déni. Le terme « omnicide », employé précédemment en langue anglaise par d'autres auteurs-autrices à la suite du philosophe états-unien John Somerville, tend à être défini de deux manières principales. Il se réfère soit à la destruction de toute forme de vie sur Terre causée par l'activité humaine, soit à la destruction de toute vie humaine, par exemple dans le cadre d'une guerre nucléaire. L'usage qu'en fait Jem Bendel dans cet ouvrage tend plutôt vers la première définition. Cela permet d'échapper momentanément aux difficultés d'une analyse plus approfondie et de se rassurer pour éviter de ressentir d'éventuels sentiments de honte ou de haine. Cette crainte peut provenir de personnes vivant dans des cultures patriarcales, qui promeuvent l'idée que la honte et le blâme ont leur raison d'être, en tant qu'affect, et qu'il vaut mieux éviter toute émotion gênante. Au lieu de cela, nous pourrions vivre avec un sentiment d'acceptation et de pardon préalable, pre-forgiveness, à l'égard de nous-mêmes et des autres, et être ainsi prête à regarder en face tout ce qui peut être considéré comme la cause de situations néfastes. Nous pourrions abandonner notre aversion pour l'idée que la culture moderne impériale dans laquelle nous avons appris à être humains-humaine est coupable de ces dommages, comme le sont tant de nos façons de travailler et de consommer aujourd'hui. Cette compréhension relativement nouvelle de l'histoire de l'humanité est un antidote important à des points de vue qui sont en train de se populariser parmi celles et ceux qui anticipent l'effondrement de la société. Certains et certaines déclarent que la seule chose qui compte, c'est de s'occuper des siens et de sa communauté. Pour d'autres, il faut attendre le second avènement, ou un secours des extraterrestres. On entend aussi que nous devons protéger nos frontières, ou encore sécuriser notre accès aux ressources clés à l'étranger. Pour ma part, en lieu et place de tout cela, je prône un sentiment effondriste radical et sans précédent, qui reconnaît que des opportunités de changement se présenteront précisément en raison de ruptures dans nos normes sociétales. Dans cette longue introduction, j'ai pris le temps de présenter certaines idées dont je n'ai fait qu'une mention superficielle ici, afin de montrer le chemin qui mène à ce sentiment radicalement effondriste, visant à faire renaître notre pouvoir de vivre en harmonie les uns les unes avec les autres et avec la nature. C'est là que le fait de laisser libre cours à notre désespoir peut conduire, par le biais du repentir, à une façon d'être radicalement nouvelle, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou politique, ou dans les trois à la fois. Dans la dernière partie de cette introduction, j'aimerais en dire plus sur les fondements philosophiques de cette perspective qui façonne la seconde moitié de ce livre. Libérer l'humanité pour qu'elle retrouve sa vraie nature. Comme nous l'avons vu précédemment, des attitudes et des programmes politiques autoritaires se développent en réponse à la crise environnementale. Quand on découvre la gravité de la situation et l'échec des efforts passés, il est compréhensible de tout remettre en question. Cependant, rien de bon ne peut venir de l'idée que nous avons besoin d'être davantage contrôlés par les autorités plutôt que d'être moins manipulés par les forces capitalistes. Cette idée génère même déjà de la suspicion et des réactions négatives à l'égard des initiatives environnementales, comme je l'explique plus en détail au chapitre 13. Mais en prenant conscience de la façon dont la modernité impériale nous a conduite à l'effondrement, nous pouvons chercher à nous libérer et à libérer les autres par une relation plus harmonieuse avec la nature. Il est philosophiquement incohérent de considérer qu'une affinité avec le monde naturel nierait l'importance de la liberté individuelle, car la liberté relative de toutes les formes de vie sensibles est au contraire au cœur de la nature. Je décris cela plus en détail en employant le terme de « liberté naturelle » au chapitre 11, en accordant une certaine attention aux anciens dialogues philosophiques sur la nature et l'existence ou non du libre arbitre, à la fois chez les formes de vie sensibles en général et chez les êtres humains en particulier. Une plus grande liberté par rapport au conditionnement social, qu'il soit le fait de la modernité impériale ou d'autres systèmes, peut libérer et révéler les qualités innées de l'être humain. L'idée est que les êtres humains sont intrinsèquement nocifs envers eux-mêmes et entre eux, s'ils ne sont pas civilisés par la société ou guidés par les religions, est un récit qui a été promu pendant des milliers d'années. C'est un récit qui encourage la séparation entre les personnes au sein de la société, tout en attisant l'enthousiasme des élites et de celles et ceux qui les servent, envers toutes les formes de contrôle. Pendant des années, on m'a dit et répété qu'il y avait d'autres façons de considérer la nature humaine et que certaines traditions de sagesse orientale n'avaient pas l'idée du péché originel ou d'une méchanceté humaine fondamentale. Mais ce n'est que lorsque j'ai passé du temps au temple de Brahma-Vihara que j'ai découvert tout un cadre de pensée donnant un sens à ma propre expérience. L'expression Brahma-Vihara fait référence à quatre qualités ou attitudes sous-jacentes au sein de l'humanité qui étaient également reconnues des milliers d'années avant Bouddha. Il y a Metta qui décrit une attitude de bienveillance générale à l'égard de toute vie. Ensuite, il y a Karuna qui décrit l'empathie que nous ressentons pour la souffrance des autres formes de vie. Puis vient mudita, qui décrit la joie que nous procure le bonheur des autres. Enfin, il y a upekkha, qui décrit une équanimité générale à l'égard de soi-même, des autres et de la vie en général, de sorte que nous n'avons pas besoin d'éprouver certains sentiments indésirables à l'égard des autres êtres vivants. Ces éléments sont reconnus comme des aspects de la nature sous-jacente des personnes, de sorte que seules les souillures provenant de la culture, des blessures émotionnelles ou de la confusion conduisent à des intentions ou à des comportements néfastes. Dans cette perspective, lorsque nous sommes témoins de toutes sortes de problèmes dans le monde, nous pouvons nous demander ce qui éloigne les gens d'une vie plus harmonieuse. Dans ce livre, j'expliquerai plus en détail que c'est la culture et les systèmes de la modernité impériale qui nous ont éloignés de notre véritable nature. Cette perspective vient nourrir l'intention de libérer la nature humaine des manipulations de la société. Elle peut sous-tendre et informer un engagement holistique et équilibré en faveur des droits humains universels, ainsi que de la justice sociale et économique liée à ces droits. J'ai constaté que de nombreuses personnes comprennent cette idée, instinctivement, malgré le conditionnement social que nous avons subi depuis notre naissance, dans une culture où les médias nous rabâchent constamment qu'il faut nous mépriser les uns les unes les autres, que nous avons besoin de discipline et que nous sommes potentiellement dangereux et dangereuses. Cependant, il ne semble pas y avoir, du moins dans les milieux anglophones, de langage commun partagé pour exprimer cette perspective sur l'environnement et la liberté. J'ai également remarqué que de nombreuses personnes qui pensent que nos sociétés sont en train de s'effondrer partagent avec moi des idées sur les dysfonctionnements de la politique et de l'économie qui nous ont amenés à ce point, sans pour autant que nous nous inscrivions facilement dans les cadres existants de la théorie politique ou des partis. Nous n'avons pas non plus de termes communs pour décrire notre point de vue. Cette absence signifie qu'il est plus difficile de nous reconnaître les uns les unes les autres en tant que membres d'un mouvement potentiel qui pourrait apprendre ensemble comment développer des approches allant du personnel au politique et du local à l'international. C'est pourquoi, dans ce livre, j'utilise les termes écoliberté et écolibertarisme pour désigner certaines des convictions profondes que, selon moi, de nombreuses personnes partagent. L'écoliberté est l'état individuel et collectif dans lequel une personne est libre et habilitée à prendre soin des autres et de l'environnement plutôt que d'être contrainte ou manipulée pour adopter des comportements qui détruisent ce dernier. Les écolibertaires croient en la recherche de cet état d'écoliberté. Ces deux termes contribuent à définir une opposition à l'éco-autoritarisme qui caractérise l'ultime phase de la profession environnementale favorable au pouvoir en place. Je décris cette philosophie au chapitre 11, mais je conclurai cette introduction par un résumé de ces idées, car cela permettra de comprendre un argument clé de ce livre. Les personnes que je qualifie d'éco-libertaires sont parvenues à la conclusion que les sociétés détruisent leurs propres fondements sociaux et écologiques parce que les intérêts personnels des puissants-puissantes sont institutionnalisés afin de contraindre ou de manipuler les gens de manière à les convaincre que tout, dans la vie, n'est que danger et compétition. De ce fait, davantage de personnes s'adaptent en devenant plus insensible et possessive, et sans égard pour qui ou quoi que ce soit. Par conséquent, aujourd'hui, ces mêmes modèles institutionnalisés du pouvoir en place faussent la prise de conscience par le public de l'effondrement des sociétés et des meilleurs moyens d'y répondre. Chapitre 13. En réponse, les écolibertaires pensent qu'il faut restaurer des manières moins oppressives d'être et de se comporter, et les appliquer pour obtenir un plus grand contrôle du capital et des organisations étatiques. cela permettrait de canaliser davantage de ressources vers des organisations, des plateformes et des monnaies dont la propriété serait collective, afin de rendre possible un effondrement plus doux et plus juste des sociétés. Il s'agit de reprendre notre pouvoir face aux manipulations et aux appropriations de notre monde vécu par les systèmes de la modernité impériale. Dans le monde entier, diverses parties de ce programme de grande réappropriation, Great Reclamation, sont mises en œuvre, mais apparemment pas encore dans un cadre global permettant l'intégration et l'amplification de ces efforts. Bien que le rythme de l'effondrement puisse s'accélérer à tel point que nous n'ayons pas beaucoup de temps pour mettre à jour nos stratégies de changement social, je pense qu'il vaut la peine de partager ces idées pendant que les communications internationales existent encore sous leur forme actuelle. Alors, lisez ce qui suit. L'approche que je qualifie d'éco-libertarisme s'oriente vers une politique progressiste post-progrès. Cette expression, qui ressemble à un oxymore, se réfère tout simplement à l'importance de maintenir les valeurs universelles de liberté et d'équité à l'heure où s'effondrent les systèmes existants des sociétés modernes. Au lieu d'arguer que les autorités et les puissants groupes d'intérêt devraient être aux commandes pour tenter de sauver le monde, l'écolibertarisme est une recherche de liberté, celle de prendre soin les uns et les unes des autres et de la nature dans le moment présent. Plutôt que de s'attacher à planter les graines de ce qui viendra après un effondrement, ou de préfigurer les valeurs, les processus et les technologies d'une civilisation future, il nous ramène à l'ici et au maintenant, et à la manière dont nous nous traitons les uns et les unes les autres, et dont nous traitons la nature pendant les périodes de turbulence. Bien que certaines personnes pensent qu'elles ont besoin du récit d'un avenir où tout va mieux, mon expérience du monde de l'activisme m'a montré que cela peut nous détourner de l'action immédiate. L'accent mis sur la vision et l'espoir peut être rapproché de l'éthique conséquentialiste, selon laquelle nous faisons quelque chose parce que nous pensons, ou disons que nous pensons, qu'un résultat particulier sera atteint, comme je l'explique au chapitre 8. Plutôt que d'embrasser une naïve pensée utopique ou ses variantes, nous pouvons travailler à une évotopie, où la majorité de l'humanité apprécie pleinement la réalité dans laquelle nous vivons, mettant ainsi fin à toute destruction inutile et libérant la beauté, ce que j'explore au chapitre 11. Je suggère que l'écolibertarisme, en tant que philosophie politique, comprend un retour à un équilibre entre l'éthique conséquentialiste et l'éthique de la vertu. Selon cette dernière, nous agissons conformément à un impératif de justice. Elle allie la passion pour le travail que l'on fait à un non-attachement envers son résultat. L'évêque Oscar Romero a été assassiné devant l'autel par un escadron de la mort soutenu par les États-Unis. Je me souviens encore d'avoir regardé la tunique trouée de balles et tachée de sang dans une vitrine du petit musée consacré à sa vie. Il était pleinement conscient des risques qu'il prenait en continuant à critiquer le gouvernement et les élites responsables de l'exploitation du peuple salvadorien. En regardant la vitrine sur le mur, j'ai réalisé, en un instant, à la fois la brutalité potentielle du système capitaliste mondial lorsque des personnes influentes lui résistent, et ce que cela signifie de faire passer ses principes d'amour, de vérité et d'équité avant sa propre sécurité et son propre bien-être. En faisant ce qui est juste, quoi qu'il arrive, on se heurtera aux réactions brutales des élites et des personnes qu'elles manipulent. Chapitre 13. Cela signifie que nous devons identifier ce qui est juste, même si l'on est incité à faire autrement, et quelles que soient nos chances de succès. Faire ce qui est juste sans s'attacher aux résultats nous permettra de nous engager plus entièrement dans la réalité. Cela signifie qu'il faut agir tout en sachant que l'on risque d'échouer, individuellement ou collectivement. Il ne s'agit pas de faire ce qui est juste uniquement parce qu'il y a une faible chance de succès. Bien sûr, savoir ce qu'il convient de faire dans une circonstance donnée requiert une certaine sagesse. En raison de l'effondrement de la société, de nombreuses personnes ne savent plus où chercher des informations crédibles et encore moins où trouver des analyses et opinions pertinentes. Au chapitre 8, j'explique la nature de la sagesse critique et son importance cruciale pour échapper aux tentatives, omniprésentes dans les sociétés modernes, de manipulation de nos pensées et de nos émotions. Diverses pistes de changement, qu'il s'agisse de notre vie personnelle, professionnelle ou politique, peuvent émerger de l'acceptation des ruptures en cours, dont certaines sont abordées au chapitre 12. Ces dernières années, j'ai vu des personnes réagir positivement à leur conviction que les sociétés vont s'effondrer. Leur pessimisme positif, qui les a poussés à adopter une attitude altruiste, m'encourage à penser que nous pouvons au moins tenter d'obtenir un effondrement plus doux et plus juste des sociétés de consommation industrielle. Bien que les dommages causés chaque jour par le système actuel puissent conduire certains et certaines à souhaiter que ces sociétés s'effondrent plus rapidement, je ne préconise pas de s'engager sur cette voie. Il faut plutôt, impérativement, éviter d'aggraver les dommages causés par les tentatives de consolidation d'un système défaillant, maintenant criblé de dysfonctionnements et en prise à des sentiments de panique. Il faut aussi abandonner l'idéologie du progrès et commencer à nous réapproprier davantage d'aspects de notre vie. Le passage à un programme de grande réappropriation, détaché de l'idée du progrès, impliquera l'abandon volontaire de divers aspects des sociétés modernes et ne sera donc pas facile. En fait, il ne sera même pas envisagé tant que le tabou du « il est encore temps » n'aura pas été brisé dans les médias de masse, et c'est alors seulement que la situation à laquelle l'humanité est confrontée pourra être discutée plus honnêtement. Pour que nous soyons utiles dans ce processus de recul des sociétés modernes plutôt que de progrès factices, il faudra que chacun, chacune d'entre nous réduise sa dépendance à l'égard de divers aspects de la société moderne. Les formes de consommation les plus gaspilleuses sont les habitudes les plus évidentes à changer. Cela arrivera-t-il? Je ne suis pas optimiste. Pour que les sociétés plus riches réduisent leur consommation, il faudra des interventions radicales pour parvenir à une plus grande égalité des revenus et des biens, faute de quoi on constatera une résistance énorme et justifiable. Malheureusement, le potentiel de mobilisation des classes ouvrières dans les économies avancées, qui serait nécessaire pour parvenir à un tel résultat, est moins important aujourd'hui qu'au cours des dernières décennies. Par conséquent, une certaine pression depuis l'extérieur de ces pays pourrait contribuer au processus. Les pays qui exportent actuellement d'énormes quantités de leurs matières premières, ainsi que les produits de leur main-d'œuvre bon marché, pourraient-ils décider collectivement de réduire ce transfert de ressources? Et cela permettrait-il d'obtenir une grande réappropriation du pouvoir au niveau mondial? Un tel mouvement géopolitique deviendra envisageable lorsque les milliards de personnes qui subissent actuellement les effets néfastes du changement climatique prendront conscience de la cause de leurs difficultés et trouveront des moyens de l'exprimer politiquement. Dans le monde occidental, les activistes qui travaillent à la décroissance de leurs économies de manière équitable et créative pourraient accueillir favorablement cette mobilisation potentielle du Sud et même chercher à la soutenir. Chapitre 13. Vous avez peut-être remarqué à quel point ces idées sont différentes du libertarisme de droite. Je replacerai l'écolibertarisme dans son contexte de théorie politique au chapitre 11. Mais brièvement. Le libertarisme de droite prétend se concentrer sur la souveraineté personnelle, mais il place de manière illogique toute l'attention, ou presque, sur la menace que le gouvernement fait peser sur cette liberté. Or, c'est bien plutôt la possession privée de richesses et la manipulation des marchés qui peuvent restreindre la liberté des individus. Par conséquent, une action collective est nécessaire pour limiter le pouvoir des grandes entreprises et des élites. Une autre incohérence du libertarisme de droite est son conservatisme sur de nombreuses questions culturelles, où les libertés personnelles sont soudainement reléguées au second plan. Je ne pense pas que la politique de la nostalgie ou cette forme de libertarisme puisse nous guider vers des réponses utiles à l'effondrement des fondements des sociétés modernes. Sans une période de grande réappropriation du pouvoir hors des mains des élites, et une période d'abandon actif de nombreux aspects des sociétés modernes, les convulsions de notre système moribond causeront davantage de dommages. Ainsi, le fait de se retirer dans une vie tranquille et d'offrir un peu d'aide aux personnes qui souffrent à proximité ne permettra probablement pas d'éviter ces convulsions. Par ailleurs, cela reviendrait à ignorer que notre privilège nous oblige moralement à passer à l'action, car c'est bien lui qui nous permet, sans doute fugacement, de penser à ce genre de choses. Par conséquent, en ce qui me concerne, mon approche actuelle est de m'impliquer dans les conversations et les efforts visant à défendre les droits universels, la responsabilité et la justice. Si les gens comme nous n'essayent même pas, alors nous abandonnons l'effondrement. En matière de préparation, d'orientation et de renouveau potentiel, à des personnes et des institutions qui l'aborderont avec de toute autre valeur. S'effondrer et se reconstruire ensemble. Si les récents changements survenus dans le monde vous laissent étourdis et confuse, c'est tout à fait normal. Si vous avez le sentiment que les réponses actuelles sont insuffisantes et que, par conséquent, nous risquons tous et toutes d'être meurtris par ce qui arrive, voire d'aggraver la situation, c'est également normal. Si vous aspirez à une stabilité nouvelle parmi vos pairs face à des difficultés croissantes, afin d'y gagner un objectif clair et motivant, alors nous partageons ce même désir. Si vous reconnaissez maintenant que nous cramponner à nos divertissements habituels ou proclamer notre grandeur morale sur Internet n'a malheureusement aucun impact, je pense que les arguments de ce livre vous seront utiles. J'ai en effet découvert que la compréhension des causes de l'effondrement et ses conséquences possibles peut nous aider à agir de nouveau avec bonté et lucidité. Tout d'abord, il faut comprendre que ce gâchis n'est pas dû à la nature humaine, mais à l'oppression et à la manipulation de chacun, chacune d'entre nous, par des systèmes qui promeuvent les pires facettes de l'être humain. En effet, ce n'est pas une foule d'agents Smith sortis de la matrice qui nous assène des coups. Ce déluge est l'expression d'un code sous-jacent, focalisé sur l'expansion monétaire. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire d'être certain, certaine, d'obtenir des résultats concrets pour avoir la passion de faire ce qui est juste. Troisièmement, les échecs passés en matière de changement de société ont moins d'importance aujourd'hui, car l'effondrement de puissants systèmes nous libère et nous permet d'agir utilement, de façon nouvelle. Quatrièmement, nous pouvons devenir plus aptes à laisser passer en nous les vagues d'émotions difficiles, comme la peur et la tristesse, sans qu'elles nous définissent ou nous dirigent, notamment parce que nous reconnaissons l'amour qui précède de tels sentiments. Cette quadruple prise de conscience peut donc mettre fin à nos sentiments d'étourdissement et de confusion. Quelle que soit la gravité de la situation, nous savons que nous nous sommes préparés à être aussi stables, lucides, et bienveillante que possible. Si votre vie ressemble à la mienne, vous êtes encore largement à l'abri des difficultés croissantes du monde. La réalité quotidienne que nous vivons ne nous permet pas de voir ou de ressentir pleinement et constamment les horribles souffrances et destructions qui résultent de la production de notre confort quotidien ou de notre sentiment de sécurité et de supériorité. Par conséquent, nous n'éprouvons aucun soulagement, ni même aucune exaltation à l'idée que ce système de destruction est en train d'être perturbé, que son ampleur va se trouver diminuée et qu'il pourrait même prendre fin. Si nous ressentions pleinement la douleur de notre enchevêtrement avec cette obscénité, nous ferions preuve d'ouverture et de curiosité à l'égard de cette rupture, y compris des instabilités, des difficultés et des épreuves qui caractériseront le reste de notre vie. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre les sociétés de consommation industrielle qui dominent l'humanité aujourd'hui, ni même que nous sommes anticivilisationnels dans nos sentiments. Cela signifie simplement que non seulement nous pleurons leur disparition, mais aussi que nous ne voyons pas l'utilité d'essayer de les soutenir plus longtemps. Parce que les multiples fondations des sociétés modernes se brisent tout en même temps, nous pouvons choisir pour nous-mêmes de nous effondrer ensemble ou de nous effondrer divisés. Lorsque je parle de s'effondrer ensemble, breaking together, je veux dire que nous pouvons laisser nos privilèges, nos conforts, nos visions du monde et nos identités s'effondrer pour nous ouvrir à de nouvelles connexions avec les autres, la nature et même avec l'ineffable. Nous pouvons également permettre à cette rupture de nous reconnecter avec des aspects de notre identité qui ont été recouverts par le conditionnement social que nous avons connu depuis notre naissance. Nous avons eu tendance à nous accrocher aux produits de ce conditionnement afin de nous sentir en sécurité, respectés, capables et en mesure de nous divertir comme à notre habitude. Mais il est temps de lâcher prise et de commencer à nous effondrer ensemble. Si vous n'êtes pas convaincu de la base empirique d'une telle perspective, je vous recommande la première moitié de ce livre, qui montre preuve à l'appui que l'effondrement des sociétés modernes est déjà en cours en raison d'une série de processus et de contraintes. Si vous êtes déjà convaincu, vous pouvez passer directement à la seconde partie. J'espère que ces pages vous aideront à mieux comprendre votre situation et la manière dont vous pouvez vivre en relation bienveillante avec le vivant, dont vous faites partie, pendant le reste de votre séjour sur Terre. Afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à son ouvrage, l'auteur du livre, Jem Bendel, a fait le choix de ne percevoir aucun droit d'auteur sur ce format audio. Et la lectrice, Valérie Garcia, a choisi de prêter sa voix pour donner vie à ce livre. Cependant, la création et les aspects techniques de ce format ont nécessité de très nombreuses heures de travail. Aussi, vous êtes chaleureusement invité à contribuer financièrement via le lien en descriptif, qui redirige vers la page Helloasso de l'association Adaptation Radicale France, et à diffuser largement cette œuvre autour de vous. Un immense merci à toutes et à tous.